CFOU.ca 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CFOU? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On apprendra à mieux vivre grâce à la chronique de conseils de vie, les instructions d'assemblage. Et Tania Baudin sortira la maîtresse qui sommeille en elle dans son segment Tania is gonna entertain ya. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 13 septembre 2016 à 226 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières où littéralement, on peut enfin dire que l'émission est à Assemblage Requis parce qu'on a de la construction dans la face. Oui, c'est vrai. Ça bouge pas mal là, ce matin, je vous dirais. Faudrait qu'on le montre au public éventuellement, mettre ça sur Facebook. Là. Caméra 3. Caméra 3 pour nos téléspectateurs en Chine, où oui, on est bien populaire en version vidéo. Mais oui, on a vraiment, on a tout ce qu'on peut avoir. Des gars en casque, des gars avec des pelles, des gars qui fument une cigarette dans le coin de la bouche. Un gars sur un pick-up qui fait juste regarder les autres travailler, ça aussi, c'est quelque chose mais qui se produit ce matin. Mais il contrôle pas le joystick de la grosse pelle. Ouais, mais là, la grue est pas tout le temps en action. Là. On dirait qu'il transporte des gros sacs de poubelles. En fait, je crois que c'est ce qui va recouvrir la surface du toit. Des poubelles, j'avoue que c'est une bonne idée. Oui, exactement. Ça va recouvrir les poubelles. C'est vrai qu'elle laisse ça sur le terrain du campus. C'est... Oui, c'est ça. On ramasse tout. Toit. On est vert. Au moins, on voit rien. C'est du compostage, Tania. Sois verte ça. Un peu. Ah, c'est ça. Sois verte d'esprit, comme on dit. Et voilà. J'arrête, ça va? Hi, ça commence par un jeu de mots de marde. Oh, ça commence boy, bien! Hein. Donc, on risque d'entendre des bruits, c'est pour ça qu'on vous en parle. On risque d'entendre des bruits de construction derrière nous. T'sais, je vois la scie, je sais pas si on l'entend. Oui, on l'entend un peu. Hein. C'est sûr. Ah non, il l'arrête. Il l'a, ouais, il l'a arrêté. C'est un peu plate. Ça devrait se découper au-dessus de nous dans quelques instants. En fait. C'est ça, exactement. Si on se fie à où est-ce qu'ils ont commencé hier, ça s'en vient. On devrait s'en sortir vivant d'ici la fin de l'émission. On espère. Donc, c'est sur notre chanson thème de Vanessa Parietta, reprise par l'Iris du Plasmé, qu'on débute aujourd'hui. Parlons du plan de l'émission. On va avoir, évidemment, la chronique Les instructions d'assemblage, notre classique du mardi. Habituellement, ça dépend des sessions. Pour l'instant, c'est le mardi. Donc, on va faire des conseils de vie. Aujourd'hui, Tania, on a écrit, mais on va parler de sports. Ben oui, exactement, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, c'est quelque chose qu'on veut faire, quand même couvrir les sports universitaires. C'est notre université, c'est notre ville. Donc, on va faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé durant la dernière semaine pour tout ce qui est du sport local et universitaire. C'est ce qu'on appelle du sport effiloché, ça s'en vient plus tard. Oh, voilà. Extra barbecue, comme toujours. Tag barbecue, attends. On adore ça, on adore ça. On a aussi, c'est un fait, je pense qu'on va faire ça dans quelques instants pour apprendre le plus possible en ce début de session. On essaie de se débarrasser du plus de faits possible pour avoir le plus de choses en tête à dire puis avoir l'air intelligent devant ton professeur. Oh oui! C'est pas génial, ça, c'est l'émission d'aujourd'hui d'Assemblage Requis. On va être ensemble jusqu'à 9h30, mais commençons en musique pour vraiment relaxer un petit peu. Là. On aime ça commencer avec de la musique un peu pour se tempérer les émotions dès le départ, parce qu'on est tellement excités, l'émission commence, puis c'est comme « Yes! Oh my God! » Enfin, Assemblage Requis! Exactement. Donc, écoutons Japanese Girls. Exaucons tous vos fantasmes. Oui, avec la pièce Bully for You. Ça, c'est fou. 89 FM. Just watch. wrong because we're involved. Subtract her voice because she's her mother's daughter. Shaking hands or drinking Arnold Palmer's. Assemblage requis. En passant, si jamais des fois le stream bug là, sur Internet, sur TuneIn, sur notre stream. Oui. On sait pas nous autres. Parce qu'on écoute la radio dans le corridor, faut nous dire. Exactement. Avant qu'on puisse le redémarrer. C'est pas grave, on va s'arranger pour la prochaine turn. Mais pour l'instant, c'est le moment d'apprendre des choses parce que la session commence. Tania, on l'a dit, 220 quelques jours avant la fin de l'année scolaire. Oui. Faut compter les choses dans le bon ordre. Donc, on doit apprendre le plus possible en ce début de session. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Est-ce que tu oublies les mots de c'est un fait et Non, on dirait que j'ai de la misère avec mes temps, hein, parce que à chaque fois qu'on fait cette chanson-là, j'oublie qu'il faut qu'on leur dise. J'avoue que, tu sais, ça fait quoi, mettons, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de fois qu'on le fait ensemble? Oui, tout à fait. Qu'on le fait ensemble. Genre, c'est tellement c'est, wrong. Fallait pas faire. Non, On me dit souvent ça. En 1992, en passant, c'est la chronique où on parle des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet et les sources sont sur assemblagerequis.com. En 1992, le duo dance pop de KLF oui. ont été invités à jouer au Brit Awards, une cérémonie de remise de prix, bien sûr. Ils ont performé sans savoir avec un groupe de hardcore grindcore metal. Ils ont tiré des machine guns avec des capsules vides dans la foule. Ils ont annoncé qu'ils allaient quitter l'industrie de la musique. Ils ont tombé un mouton mort au after party. Ensuite, ils ont effacé tout leur catalogue musical. Mon Dieu! Le duo de dance pop de KLF, ça vous intéresse d'aller chercher ça? C'est un party d'adieu assez remarquable. Ouais, c'est ça fait changement de tous les autres là, qui disent adieu puis qui reviennent tout le temps, genre Dominique Michel. Là, mon Dieu! Les chiens rient souvent. Mais les humains ont de la difficulté à reconnaître leur rire parce que ça sonne exactement comme s'ils se plaignaient comme dans le... Pas vrai? Tu sais, avec leur langue, là, quand il fait chaud. Ça ressemble à ça, rire pour un chien. C'est donc bien drôle. Avoue que maintenant, tu le sais, tu vas te demander... oui. C'est sûr, je vais me demander tout le temps si mon chien est en train de rire. Oui. Quoi que mon chien est un peu hypocrite des fois. Ah ben, Colin, t'es donc bien insultant. Non, mais on dirait qu'il rit, puis tu sais, comme il joue la bitch. Il rit toi, dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme... c'est quoi, les corneilles? Ah, c'est ça que ça fait, les corneilles. C'est pas ça qui font rire. Les corbeaux. Les corbeaux. L'oiseau qui rit tout le temps de nous autres. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Je sais que t'es pas une fan d'oiseaux, c'est tout que j'en parle. Tu t'endors instantanément, donc ça va être. Je ferai pas de fait d'oiseaux. Mettons que c'est pas mon animal préféré. Ben non, je vois bien ça. La raison pour laquelle on applique du parfum au cou et au poignet. Oui. Et en passant, le derrière des genoux est l'endroit idéal pour. Pour le mettre du parfum. C'est parce qu'il y a des points particuliers de pulsation qui vont réchauffer le parfum et ça va sortir de la fragrance de façon continue. C'est pour ça que tu mets ça dans ton cou et au poignet. OK. C'est là qu'on élimine la chaleur aussi dans la oui, dans oui, derrière oui, du cou, ça, je me souviens, oui. Ça a du sens. Mais tu devrais te mettre du parfum en arrière des genoux. J'avais déjà entendu en arrière des oreilles aussi. Ah, peut-être aussi, tant qu'à faire. Parce que quand tu bouges tes cheveux, automatiquement, tu vas avoir une bouffée de ton parfum. Wow. Et te trouver. Ben, c'est pas nécessairement pour toi, parce que si ton parfum te fait bien, toi, tu le sens plus un moment donné. Ça, c'est vrai, par contre. Si vous le sentez, vous en mettez trop. Ou il vous fait juste pas bien. Peut-être. Et ben, ça... tu sais, je veux pas dire qu'il vous fait pas bien comme un vêtement ne peut pas vous faire bien, mais l'odeur est pas adéquate pour votre corps. Voilà. Comment tu dis à quelqu'un que son parfum n'est pas fait pour elle ou lui? Tu lui demandes c'est quoi son nouveau parfum? Ouais, elle est comme toute flattée, genre, ah, oh, Caroline, merci, c'est du tatatata, ouais. Puis tu lui demandes de pas le racheter. Ah, t'es pas correct! Hey, avec des amis de même, voyons donc. Sorry. Mais je sais pas, honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile parce qu'automatiquement, la personne va penser qu'elle pue. Non, mais peut-être que tu vas plus subtilement, genre, ah, tu sais, peut-être que tu devrais essayer telle affaire, juste pour le faire. Hey, as-tu déjà essayé tel parfum? Ça là, la personne pourrait bon. Subtilement penser que ça veut dire, ah, oh, peut-être que. C'est parce que je sens pas bon, mais t'as pas eu à y dire, puis elle a pas eu à vivre le malaise. C'est vrai. Quand au contraire, tout le monde vous dit que votre parfum sent bon, j'imagine que c'est parce que c'est un parfum qui vous va vraiment très bien. Tout à fait, oui. Ça va avec toi, ça va avec ta personne. Ah, c'est le fun, ça. Si après ça, tu laisses un parfum derrière toi un petit peu, comme, mettons, je sais pas, sur l'oreiller. sur l'oreiller. qu'après ça, tu peux sentir le parfum de la personne, puis tu dis, crime, c'était elle. Oui, quand t'es capable de reconnaître quelqu'un par son parfum, là. N'importe où, n'importe quand. C'est gagnant. C'est gagnant. Ou c'est vraiment perdant parce que ça sent trop fort. C'est la noix de coco abuseuse. Ouais. Vrai, je me suis tanné de la noix de coco avec le temps. On mais c'est ce qu'on dirait que cette année, il y avait comme une saveur de noix de coco qui était sur tout. OK. Tout était à saveur de noix de coco cette année. Les gens boivent du laine de coco. Ouais, c'est trop en même temps. On a parlé comme pendant 5 minutes de demain, parfum. Demain, nous parlons de parfum. Yay! Caroline, que je suis à ma place. Il y a eu un manque de papier de toilette aux États-Unis. En 1973, on change de parfum complètement. Ben oui, hein. Ça a été causé par une blague dans un talk show qui avait convaincu les gens de garder tout le papier de toilette pour eux, pour le réserver. Mais non. C'était une blague, ça a mené vers un manque de papier de toilette en 1973 aux États-Unis. Un manque genre partout dans la ville? Ben, un manque comme dans, tu sais, tu peux pas en avoir autant que t'en veux, peut-être qu'il y a une limite sur le nombre de rouleaux que tu peux acheter, des trucs comme ça. Ah, mon Dieu, d'accord. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les sous-marins alliés, OK, se couchaient sur des lits de crevettes, des pistol shrimp. Et le son de snap, de crack, de pop que les crevettes faisaient était tellement puissant que ça empêchait les sous-marins de se faire voir par les sonars japonais. Ah, ouais? Ouais. Pistol shrimp, j'imagine qu'il y a une façon de dire ça plus correctement en français. Ça doit être... Des crevettes pistolets, c'est ça? C'est ça. Ça tape mal en diagonale, ce clavier-là, ça n'a pas la... donc, attends un peu, on va aller voir ça. C'est... Non, il n'y a pas ça. Attends, je suis en train de chercher, moi aussi. C'est un alphédé. Donc, c'est une famille des crevettes du groupe des alphédés. C'est dans cette famille que se trouvent les crevettes pistolets. Eh ben, on a les crevettes pistolets, ouais. C'est... Ouais. Puis c'est pas super cute, là. Ça a pas l'air d'une crevette normale, honnêtement. Non, c'est beaucoup de poisson rouge. On dirait un mort, en fait. Ouais, super cute. Il y a un son mystère qui est en train de faire virer le monde fou, Tania. Ah oui? Ouais, donc imagine, tu te réveilles un matin, t'entends un bruit, c'est comme un genre de hum, un peu comme un camion à l'extérieur de votre maison. Mm-hmm. Ici, on a ça en studio, mais c'est parce qu'il y a littéralement un camion de construction. Oui, exactement, puis il y a une scie aussi au-dessus de nous. Oui, des gars à cigarettes puis des casques, on l'a tout dit tantôt. Bref, tu le remarques, tu l'as jamais remarqué commencer ce son-là, sauf qu'à la place, graduellement, ça entrait dans ta tête comme si soudainement tu pouvais remarquer sa présence. Ah! Donc, ça s'appelle le homme. OK. Et ça atteint moins de 2% de la population mondiale depuis des années. Mais qu'est-ce que le homme et d'où est-ce que ça vient? Ouais. Donc, la première fois qu'on a parlé du homme, ça a commencé à Bristol, en Angleterre, à la fin des années 70. Un journal local a publié un article en 77 nommé « Have you heard the hum? » Donc, avez-vous entendu le hum? Des centaines de résidents de Bristol ont contacté le journal pour dire que oui, ils l'avaient entendu. Pendant les 40 années qui viennent de passer, il y a plusieurs humains qui ont dit entendre le hum de partout dans le monde. Ceux qui peuvent l'entendre, disent que le son n'a pas l'air de venir d'une seule direction. Donc, ils viennent un petit peu partout et c'est donc difficile de déterminer la source du son. Certains experts attribuent le hum à la tinnitus. Donc, c'est un symptôme de l'ouïe qui affecte une personne sur cinq. Par contre, le tinnitus existe depuis aussi longtemps que les humains existent. Le homme a commencé à faire parler de lui à la fin du 20e siècle. D'autres experts croient que le son de faible fréquence pourrait être causé par une source externe, par exemple quelque chose de technologique. Mais alors que le son prend de l'ampleur, ça diffuse de plus en plus doucement. Donc, c'est improbable que le même son extérieur affecte différentes personnes à différents endroits. Il y a aussi le fait que les gens vont vivre le hum différemment. Ah ouais? Ouais. Donc, certains décrivent la sensation comme une vibration dans leur oreille interne. D'autres sont seulement capables d'entendre le hum alors qu'ils sont malades ou qu'ils se sentent stressés. Et d'autres entendent ça chaque jour à un endroit spécifique. Puis, si on y va pour la définition d'Internet selon le tinnitus exactement, c'est vraiment bizarre parce que ça dit que c'est, comme tu le disais, c'est une sensation auditive qui est pas liée à la personne, mais c'est lié par une vibration d'origine extérieure à l'organisme et qui est pas écoutable par tout le monde autour. Ouais. Puis le son perçu peut ressembler à un bourdonnement, soit un bourdonnement, un sifflement ou encore même un tintement. Ouais. Donc, tu sais, une espèce de tic-tic-tic-tic-tic dans les crânes. C'est vraiment particulier. C'est finalement, tu te sens vraiment fou. Ouais. Donc, un résident de Bristol qui entendait le hum pendant des années a essayé des écouteurs qui bloquent le son. Il a trouvé que le son disparaissait complètement quand il avait les écouteurs pour bloquer le son. Donc, ça prouve que c'est pas dans sa tête ou que t'entends pas quelque chose qui se passe dans ton cerveau. Ça donne l'impression de faire ça. Un autre résident de Bristol qui travaille fréquemment pour le travail entendait seulement le hum à l'intérieur de sa propre maison. Est-ce qu'il entendait l'électricité? Est-ce qu'il entendait? Je sais pas. Donc, ceux qui entendent le hum disent que la pire chose dans cette expérience-là, c'est l'incertitude de pas savoir d'où vient le son, bien sûr, et de pas savoir ce qu'il produit. Donc, c'est un petit peu stressant quand même. Ceux qui sont affligés de ce mot, voilà, disent que le hum les garde réveillés, les empêche de travailler. C'est tellement dérangeant, ça les rend fous, ça a amené à des suicides, au moins pour 3 personnes. On pourrait ne jamais savoir d'où vient le hum. On dit que ceux qui l'entendent pourraient ne jamais être soulagés d'entendre ce son. Mais en ce moment, comme les choses se présentent, le hum est un des mystères irrésolus les plus fascinants au monde. Quand même. Le hum. Est-ce que tu as un extrait de ce que c'est ce hum? Je suis venu préparer. Hein. Oh, mon Dieu, ça nous dit d'écouter avec des écouteurs. Là, évidemment, nous, on a des écouteurs en studio. Peut-être pas vous, mais on va écouter donc l'extrait. Gars, ceci de Gary Gross. En effet, on dirait un camion. Oui, oui, oui. Les poubelles qui passent en permanence. On dit d'écouter avec des haut-parleurs qui ont un subwoofer si vous n'avez pas d'écouteurs. Mais c'est donc bien agressant, ça, c'est rien? Là, j'imagine que ça a été amplifié, augmenté pour qu'on puisse l'entendre. J'imagine que t'entends pas ça exactement aussi fort que ça dans la vraie vie. Évidemment, je dis aussi fort que ça, dépendant du volume de vos haut-parleurs en ce moment. Là. Si vous écoutez au même volume que notre voix, si je fais ma console semi-correctement, comme d'habitude. Donc, c'est le Windsor Hum Audio Recording. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Évidemment, le lien est dans la section C'est un fait de l'émission du 13 septembre. Toujours dans C'est un fait, on continue avec quelque chose d'autre de très étrange. Il y a une genre de boule mauve. Okay. Qui éclaire, qui brille au fond de l'océan. Et les scientifiques ne savent pas ce que c'est. Ça ressemble à une couche ball. Tu sais, c'est des espèces de balles avec des ventouses. Oui. Bon, donc ça ressemble à ça, les scientifiques, au bord du EV Nautilus. C'est un bateau. Sont à la fine pointe de l'exploration de la mer depuis qu'ils ont commencé leur expédition océanique en 2010. Ils ont rencontré plein de choses spéciales. Ils sont entrés dans plein d'endroits, ils ont découvert plein de choses, mais ils ne sont pas capables de déterminer qu'est-ce que c'est cette petite orbe mauve près des îles Channel Islands, près de la Californie aux États-Unis. Donc, c'est une sphère, une petite sphère. L'équipe du Nautilus a quelques identifications un peu scientifiques, des noms qui leur ont donné des surnoms. Donc, le Purple Blob, le Blob Mauve, le Blobus Purpulus, ça fait très Roadrunner. Peut-être que c'est le sac rempli d'œufs d'une araignée, ça se pourrait, c'est dégueulasse. Donc, après plein de spéculations, ils ont réussi à ramasser l'orbe, la sphère, avec leur Remote Operated Vehicle, donc un véhicule opéré à distance. De très près, la photo est complètement différente. Je disais tantôt que ça ressemblait à une sphère que tu achèterais chez Toys R Us pour les enfants, mauve avec des ventouses sur le bout. Quand tu les regardes de loin, ça ressemble à ça. Mais de près, par contre, ça ressemble à quelque chose comme une tumeur. Un poumon de fumeur, ou je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est pas super cute, maintenant. Ça a l'air comme gluant, c'est vraiment dégueulasse. On dirait quelque chose d'extraterrestre. Mais bon, la spéculation suggère que ça pourrait être une pleurobranche. Donc, c'est dans la famille comment on appelle ça, des slugs. C'est pas des. Pas escargots, là. C'est comme un truc gluant qu'il y a dans l'eau, là. Attends un peu. Slugs, je vais devoir chercher encore une fois. Une fois de temps en temps, ça arrive. Sea slug, attention. On parle d'un. d'une limace. Ah, oui. Donc, c'est ce que ça suggère que ça pourrait être. Par contre, un porte-parole pour Evie Natalis a dit qu'ils n'ont pas l'identification définitive pour l'instant. Ils attendent d'analyser encore plus avec les équipes sur la Terre. Voilà. Pendant ce temps-là, une chose est certaine, peu importe depuis combien de temps les humains explorent l'océan, il y a toujours des choses à découvrir de plus. On vient à des faits un petit peu plus rapides. Dans ce cas-ci, Pippa, le chien Pippa, c'est pas le nom d'une princesse britannique... la sœur de l'autre, là, mariée oui, oui, ou, oui, au Pippa, prince... Oui, c'est pas Middleton. Middleton, exactement. À la terre du milieu. Donc, Pippa, le chien, aime recevoir le courrier tellement fort que le facteur lui écrit des lettres quand il n'y a pas de courrier à lui donner pour pas qu'elle soit déprimée. Oh, c'est cute. Vraiment cute. On passe d'un chien à un cochon, hein, un autre animal de compagnie. Un cochon nommé Loulou a sauvé la vie de sa propriétaire, alors que la femme était en train d'avoir une attaque cardiaque. La cochonne a entendu ses cris de douleur, l'a forcée à quitter la cour, a couru jusqu'à la route, jusqu'à la rue, et a joué les morts pour arrêter le trafic. Un conducteur, un chauffeur a arrêté. La cochonne l'a mené jusqu'au trailer, hein, okay. Un genre de roulotte. Il a entendu la femme et il a appelé le 911. Grâce à la cochonne! Mais c'est pas un petit cochon petit, hein? Non, c'est en effet assez massif. C'est extrêmement massif comme cochon. Je pensais que c'était un bison au début. Ah, ben ouais, mais non. Hein? Non, c'est vraiment un cochon. Toujours un petit cochon! Parlons du concept d'utiliser une carte de crédit pour faire des achats. Oui. Hein? Le concept d'utiliser une carte pour des achats a été décrit en 1887 par Edward Bellamy dans son roman utopique Looking Backward. Bellamy utilisait le terme carte de crédit 11 fois dans son roman, même si ça faisait référence à une carte pour dépenser les dividendes d'un citoyen qui provenait du gouvernement et non pas d'emprunt d'argent comme c'est maintenant avec la carte de crédit. Quoique c'est pas partout pareil, là, je sais qu'en France et ailleurs, le crédit fonctionne pas pareil. Là. J'avais lu la page Wikipédia, c'est super compliqué. Mais bon, ça m'intéresse le crédit, mais j'ai finalement pas retenu les informations. Donc c'était en 1887, Looking Backward. Regardez pendant une guerre. Une bonne fontaine à San Francisco a survécu au tremblement de terre de 1906 et a aidé les pompiers à sauver le Mission District. Elle a donc été peinturée de couleur dorée en souvenir de l'événement. Et encore aujourd'hui, la bonne fontaine est dorée avec une couronne de fleurs. Et une petite mention, San Francisco History Association, donc l'association de l'histoire de la ville de San Francisco. Le 6 avril 1893, Andy Bowen et Jack Burke ont participé au plus long combat de boxe de l'histoire. Le combat a duré 111 rounds de 3 minutes par round. Ça a pris 7h19 avant que l'arbitre John Duffy dise no contest après que les deux hommes commençaient à être trop... Il y avait la tête qui tournait, ils étaient trop fatigués pour sortir de leur coin. Comment est-ce qu'on dit ça, un no contest? J'en ai aucune idée en boxe. Je sais pas. No contest. Que voulez-vous? On comprend ce que ça veut dire. C'est un genre de match nul. Ensuite, les empreintes. Tu vas l'avoir, hein? C'est un pas de compétition, pas là. Ça s'annule. Les empreintes digitales des koalas sont tellement similaires à celles des humains qu'on pourrait facilement les confondre à une scène de crime. Ah, ouais? Évidemment, j'imagine que les policiers sont entraînés pour connaître la forme exacte. Parce que c'est partiel. Parce que ça doit ressembler à une empreinte partielle d'humain. C'est ça, parce qu'en tant que tel, les doigts sont plus étroits et ça devient comme fondu sur les extrémités. Mm-hmm. Parce que bon, j'imagine qu'il n'appuie pas aussi fort sur le tampon. Probablement, à cause des griffes. Mais l'humain a vraiment une forme plus ronde. Voilà. Ensuite, Washo. Est-ce que tu connais Washo? Non. C'est un chimpanzé. Ah, d'accord. Qui a réussi à apprendre le langage des signes. Elle s'est fait dire que la personne qui s'occupait... Est-ce que c'est un garçon ou une fille chimpanzé? L'article ne le précise pas. C'est un une. Oui, t'as bien raison. Et voilà. Donc, la chimpanzé a réussi à apprendre le langage des signes. Elle s'est fait dire que la personne qui s'occupait d'elle, que son bébé, en fait, à la personne qui s'occupait d'elle, était décédée. Donc, elle a fait le langage des signes pour le mot « pleurer ». Elle a touché la joue et, de la femme et a passé son doigt pour enlever une larme sur le bord de son visage. Ah, c'est dommage, triste. Triste, hein? Chimpanzé. C'est mignon, les chimpanzés. Washu, Washo. Washoé. Oui. On ne sait pas. J'ai vu une fille qui s'appelait Noé l'autre fois. Ah, ouais? Une fille qui s'appelle Noé. T'as l'impression qu'elle est comme une grosse barbe grise? Ben, on sait pas. Facebook, on sait jamais. On sait jamais. Non, je peux pas m'assurer. Bref, peu importe. Benjamin Franklin. Oui. Avait 13 règles qu'il appelait les 13 vertus. OK. Qu'il a inventé quand il avait 20 ans. Donc, c'est des paroles sages de la part de Benjamin Franklin. pour commencer, sa première règle, c'est temperance. OK? Ce que ça veut dire, c'est de... tempérer. C'est de, genre de calmer ton appétit et ta soif. C'est-à-dire de ne pas manger jusqu'à ce que tu sois complètement plein et de ne pas boire jusqu'à temps que tu sois complètement sous. Hein? Ah, faut apprendre c'est, de c'est, ça. C'est quand même bien. Numéro 2, le silence. Donc, parler non pas pour t'apporter quelque chose à toi ou apporter quelque chose aux autres. C'est ça. Parler seulement si ça peut vous apporter quelque chose ou apporter quelque chose aux autres. Voilà. Et éviter les conversations qui servent à rien. Ah, c'est quand même bien. Ensuite, numéro 3, c'est l'ordre. Donc, laisser tout ce que t'as prendre sa place et permettre à chaque... Attends un peu. Permettre à chaque partie de ce que tu accomplis, de ce que tu fais, prendre son temps. C'est mal traduit, hein? C'est du texte, on revient ouais, en anglais. Oui, ben c'est ça, c'est du vieil anglais. Ensuite, la résolution est numéro 4, donc dire que tu vas performer ce que tu devrais faire et performer sans échec ce que tu dis que tu vas faire. OK, voilà. Oui. Frugality, c'est être... Il y a un mot pour ça, c'est de ne pas dépenser trop d'argent. Donc, ne pas dépenser et faire... faire des choses qui vont, encore une fois, profiter aux autres et à toi. Donc, ne rien gaspiller. Mais aussi, c'est l'industrie, donc ne pas perdre de temps. Toujours être employé dans quelque chose d'utile, d'éviter des actions qui ne sont pas nécessaires. Mais aussi, c'est la sincérité, donc ne pas mentir, ne pas faire mal aux gens. Penser innocemment et justement. Et si tu parles, il faut que tu parles pour que ça veuille dire quelque chose. On dirait qu'ils utilisent plusieurs phrases qui ont un lien ensemble. Numéro 8, c'est la justice. Donc, ne rien faire de mal en termes de blessure ou omettre les bénéfices, les avantages qui sont ce que tu dois faire. Okay. Ensuite, la modération, donc éviter les extrêmes. Ça dit de... Attends. Ben, c'est un peu comme la première qui était de pas trop manger, pas trop boire. Aussi, exactement. Ensuite, la propreté, donc ne pas tolérer d'impropreté sur ton corps, tes vêtements ou ton habitation. Ou la les gens que vous fréquentez. Ou les gens que vous fréquentez, Tania. C'est pas vrai. Un test par année ou deux tests par année, ça? La tranquillité, ne pas être dérangé par les choses ou lors d'accidents qui sont inévitables. Alright, accidents common or unavoidable. Ah mon Dieu, le 12. Le 12, la chasteté. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de relations qui sont pour avoir des enfants? Je pense que c'est ça. Je sais pas, de ne jamais genre atteindre un état d'ennui parce que tu le fais trop souvent. Ça dit « never to dullness, ouais. Weakness, or the injury of your own », donc jusqu'à ce que ça te blesse, que ça te fasse mal, qui ira à l'encontre de la réputation ou de la paix d'une autre personne. Et numéro 13, l'imiter, donc imiter Jésus et Socrate. Ah bon, d'accord. La dernière phrase, vous pouvez ne pas tout les suivre. Allez voir ces 13 règles. Le site web est 13virtues.com. Clairement, lui, c'était un philosophe envers Socrate. Exactement. Les lamas domestiqués. Oui. Qui reçoivent trop d'attention de la part des humains peuvent souffrir d'un désordre psychologique qui s'appelle le Berserk Lama Syndrome. OK. Où les lamas vont voir les personnes qui s'occupent d'eux comme d'autres lamas et ils vont commencer à être plus violents et agressifs envers eux. Ah, ouais. Wow. La plupart des gens qui font l'animation chez Disney, donc les animateurs qu'on appelle, oui. ont choisi de travailler sur Pocahontas et non sur le Roi Lion, parce que plusieurs personnes chez Disney avaient très peu de confiance envers le projet. Donc c'était surtout des nouveaux animateurs qui ont travaillé sur le Roi Lion, donc des gens qui avaient travaillé sur rien d'autre. Mon Dieu, ils ont pas manqué leur shot quand même, hein? Tant qu'à commencer avec ça, hein, quand tu y penses en plus, hein, je pense que le Roi Lion aujourd'hui est pas mal plus in que Pocahontas. Ouais, on n'a pas réentendu parler de Pocahontas tant que ça. Moi j'aimerais tellement ça qu'ils fassent une version Pocahontas vraie. Avec une humaine. Oui. Moi aussi. Parce que moi, quand j'étais petite, là, j'haïssais ça, les films d'animation. J'aime bien. J'aime toujours pas autant ça, là, mais... T'en regardes pas? Est-ce que t'as essayé? Est-ce que tu t'es ouvert l'esprit à peut-être changer? J'ai regardé les Minions. OK. Ah, oh, ça me tape tellement ses nerfs. Est-ce que t'as aimé ça? Je gardais, fait que j'ai quand même ri, là. Ouais. Mais... Je suis pas capable d'essayer, non? J'ai de la difficulté avec... Beaucoup avec les films d'animation. Je sais pas est-ce pourquoi. Est-ce que c'est les voix? Non. Ils sont particulièrement stressantes, les voix là-dedans, il me semble, non? On dirait que c'est parce que vu que c'est en dessin animé, je sais que ça peut pas être vrai. OK. Fait que si tu me fais, mettons, Pocahontas ou La Belle au Bois dormant, ouais. ou peu importe, Frozen. Cendrillon, ouais. Version humaine, ben de ce côté-là, j'ai comme l'impression que ça peut être plus vrai. Puis excusez-moi, non, j'ai hey, ceux qui suivent depuis le début de l'émission et depuis le début de la semaine, en fait, on parle de ce qui se passe en construction derrière. On dirait qu'on nous a comme fait tomber le rideau pour dire « Vous êtes pas drôle, allez-vous-en, rideau! » Je suis persuadée que le gars dans le pick-up a fait par exprès, parce que tantôt qu'il me regarde parler toute seule devant un micro, puis là, il m'a fait tomber de quoi dans le visage? C'était comme un grand tissu noir exactement. Qui prenait toute la place, on dirait, c'était particulier. Puis là, il rit sur son pick-up, là! Mais ça se peut très bien, ça se peut très bien qu'il le sache. Parce qu'en tant que tel, on n'arrête pas de le pointer. Exactement. Donc, bon matin, monsieur. Ouais, bonjour, bonjour. Ah, il rit pas, là. Il rit donc, pas. S'il vous plaît, Disney, faites un Pocahontas. Tu sais, comme le nouveau film qui va sortir avec Emma Watson, oui. Qui est La Belle et la Bête, oui. Version humaine. Faites un Pocahontas, s'il vous plaît. Avec Emma Watson, il n'y avait pas déjà une série avec Kristen Crook, puis j'aime bien que Kristen Crook reste la femme. C'était pas Cendrillon, ça? C'est La Belle et la Bête. Ah, La Belle et la Bête. C'est joué à Z en français. Ah non, mais là, on parle pas d'une série, on parle d'un film. D'un film, moi, je... Exactement, ouais, ils refont le film. Quand on fait un film et une série, alors que les deux sont dans le même univers, comme je m'attends à ce que Superman, ce soit tout le temps le gars dans Smallville. T'sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme attaché parce que t'as vu plusieurs saisons, alors qu'un film, c'est juste 2 heures. T'sais. Ouais, fait que là, tu t'attends à ce que la bête soit la même que dans l'émission. C'est exact. Ah, ça sera pas ça parce que c'est la version européenne. C'est plus la belle que ça. Voici. On était dans C'est un fait, il nous en reste une dizaine environ, oui. Un petit peu plus qu'une dizaine. Donc, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des épiceries américaines, la plupart des nettoyages à sec, des pharmacies et des magasins qu'on appelle grandes surfaces, offraient la livraison à la maison, livraison à domicile. On a eu un manque de travailleurs pendant la guerre. Il y a eu des rations par rapport au gaz et aux pneus. Ça a fait que la plupart des entreprises ont arrêté. Okay. Les entreprises, par contre, ont trouvé que leur vente augmentait quand les gens pouvaient acheter en personne versus se présenter à un comptoir et acheter des trucs. C'est ce qu'on faisait avant. Oui. Magasin général, etc. On connaît tous, on a tous vu des émissions ou des films avec ça. Mais il y a certaines places qui font encore comme ça, hein. Oui, rétro. Je parle pas du gaz ou des pneus, là, mais il y a encore des pharmacies qui vont le faire. Il y a plusieurs magasins qui le font encore. C'est cool, ouais. Ça, par exemple. Oui, c'est vraiment cool. Et on voit souvent, pas souvent, en fait, même rarement, à Montréal, entre autres, des dépanneurs qui font la livraison à vélo. Oui. Les tic-tac. Uh-huh. J'aime bien les tic-tac quand même. Tu sais que je suis un gars de menthe et non pas un gars de gomme. Oui, tout à fait. Et qu'à chaque fois que je mange une gomme, je me plains que je me mords la joue. Oui, c'est vrai. Fait intéressant à savoir quand même. C'est ça mon fait. Bon. Voilà. Mathieu Plante se mord la joue. Non, les tic-tac sont presque purement composés de sucre. Ah! Ouais, mais étant donné leur poids, on peut écrire sur la boîte qu'il y a 0 portion de sucre par portion. Non. 0 sucre par portion, parce que la portion est toute petite. Oh my God. C'est le fun, hein? C'est presque, un gros mensonge. Presque entièrement du sucre. Il y a une loi au Texas, la loi des 3 prises, un peu comme au baseball, à Bisbee. Mm-hmm. Donc, la 3 strikes law. Un homme a reçu une sentence. Il devait passer sa vie en prison pour avoir refusé de donner un remboursement après une réparation d'air climatisé. Finalement, ça a terminé sa carrière criminelle qui avait coûté à la société 230$ parce qu'il a atteint la 3e prise au Texas. Dieu. Quelque chose, hein? Tant qu'à ça, tu continues, ça? Ben ouais. Les girafes ont seulement besoin de 5 à 30 minutes de sommeil dans une journée de 24 heures. 5 à 30 minutes, tu sais, j'ai dit que j'avais dormi 2h30 la nuit hier. Ouais. Aujourd'hui, c'était 4h30. Moi, mes amis, ils appellent ça un power nap. Un power nap. Effectivement, il y a des applications pour ça. Oui, tout à fait. Comme on dit, there's a nap pour... There's a nap for everything. Il y a une sieste pour ça. Et voilà. Jeu de mots avec une nap. Hein. Oui. Next. Les sans-abri à Tokyo, au Japon. Oui. En Asie. En Asie. Les sans-abri à Tokyo, au Japon, parlant de sommeil, dorment dans des cafés Internet qui sont ouverts 24 heures parce que c'est moins cher que de payer un loyer. Ah, mais j'en doute même pas. Ben oui. Il y a des images sur YouTube de ça. Un article sur CNN. Est-ce que tu connais une province au Canada? OK. Qui s'appelle le Québec. Ah, oh, ça me dit quelque chose. Dans l'Ouest? On est tout le temps, ouais, c'est pas dans l'Ouest, c'est pas dans les Maritimes, ça. C'est pas dans les Maritimes. Tout le temps en train de parler contre Québec bashing, hashtag Québec bashing. Ouais, c'est ça. Donc, ça a pris au Québec jusqu'en 2006 pour payer sa dette après avoir accueilli les Olympiques d'été de 1976. On a fini la dette en 2006. C'est ça. C'est ça. On passera pas de commentaires. Ben non, hein, parce qu'on va faire du hashtag Québec bashing. En 1770, un homme a inventé une machine qui pouvait jouer aux échecs contre un opposant humain. Ça vous dit quelque chose là, dans les années plus récentes par rapport à Deep Blue? Mais ça, c'est en 1770. On appelait ça un androïde. Oh, ben mon Dieu! Ben, ouais, qui jouait à la partie, qui jouait au jeu d'échecs. On l'appelait The Turk. Parce que c'est un Mechanical Turk, donc un truc qui travaille tout seul. C'était pas avant 1857 qu'on a révélé que c'était une attrape! Oh mon Dieu! Il y avait un chessmaster, un joueur d'échecs qui se cachait dans la boîte, dans la machine. Hey, hein? T'es-tu sérieux? Je te jure! Fait que là, tu vas t'acheter, mettons, la machine, mais il y a quelqu'un qui venait dedans! Non, t'achetais pas la machine, mais un homme avait inventé cette machine-là, il faisait croire aux gens que t'achetais pas ça! J'aime! Hey, ça coûte cher de shipping, ça! Ouais, hein, oui. Écoute! Non! Pour deux, il va mourir de faim là-dedans! J'espère qu'il y a des trous quelque part là-dedans! pour ça. Il est de bonne heure, j'ai même pas eu mon café. Non, ça paraît, t'as le raisonnement bizarre. Voilà, ouais, j'ai le raisonnement naïf un peu. Un petit peu naïf. Hey, attends un peu. Hey, parlant de naïveté, j'ai envie de dropper les derniers faits. Attends, je vais en faire un dernier. Je pensais que tu voulais dropper des noms. Je vais en faire un dernier parce que je vais finir sur un chiffron, OK? Parce que d'habitude... Okay. Ouais, c'est ça. Non, attends un peu. Oui, il nous en reste un avant de finir sur un chiffron. OK. Donc, en Grèce antique, lancer une pomme sur quelqu'un, ça voulait dire que tu voulais déclarer ton amour. Ah, rien de moins. Je t'aime. Ça fait... Je pourrais l'essayer. Oui, ça fait du talent à revendre, tu sais, avec la fille avec ses pieds, puis tire une flèche sur une pomme, je sais pas quoi. On parle de ta naïveté avant de finir là-dessus. Oui, je suis pas obligée d'en parler de ça. Ben, moi, je pense que oui. Pourquoi? Est-ce que tu te rappelles d'hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a dîné ensemble? Ouais. Est-ce que tu te rappelles ce que t'as partagé en plein milieu du dîner? Non! Chut, on n'est pas obligé d'en parler! Mais je ne l'ai pas partagé sur Facebook ou quoi que ce soit. Ça a passé proche! Ça a passé proche de faire une chronique! Je l'ai partagé en conversation avec toi. Oui, c'est vrai. Mais t'as failli en parler dans une chronique future. J'ai vraiment failli en parler dans une chronique. Est-ce qu'on peut parler de ce que c'est? C'est une fausse... Ah non, je m'excuse de rire de toi. Mais non, mais c'est correct. Mais moi, j'étais sûre et certaine que le site d'ESPN avait vraiment une section live. Parce qu'en tant que tel, quelqu'un partageait un lien, c'était espn-live.co. Exactement. Alors que le site d'ESPN est espn.com. Hein? Puis c'était un article qui disait qu'une des gymnastes olympiques, Ailey Reisman. Exactement. C'était en fait droguée, puis qu'on... Ben, pas nécessairement droguée, mais qu'elle avait utilisé... qu'elle avait eu recours... Une enquête. Elle était accusée d'avoir utilisé des médicaments pour lui faire perdre du poids et prendre des muscles sans avoir aucun effort à faire. Puis je trouvais que ça avait vraiment du sens parce que c'est vrai, je suis désolée, mais moi aussi, c'est vrai. J'avoue, quand j'ai vu les photos, ça faisait comme waouh, crime, je pourrais peut-être essayer. C'est vrai qu'elle a vraiment perdu du poids, là, ouais. cette gymnaste-là. Puis ça disait que son équipe la reniait, puis que. que vous pouviez vous aussi l'essayer. Exactement. Et que la fille qui avait écrit l'article on a commencé à se rendre compte que c'était peut-être pas vrai au moment où qu'ils vendaient beaucoup trop le produit comme si c'était miraculeux. C'était une infopub pas mal, ouais. Ouais, alors on a comme compris que c'était pas vraiment le vrai site. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On s'est tous les deux rendu compte ensemble. Exactement, que c'était pas vrai. Parce que toi aussi, là, à un certain point, tu étais autant naïf que moi. Fait que je t'agace pas puis je t'attaque pas là-dessus, pas en tout. Mais non, aucunement. Mais je voulais en parler parce que je trouve ça vraiment très drôle. Mais je dois avouer que oui, à certains points, j'ai pensé que c'était vrai. Puis là, je suis là, mais non, voyons! Mais voir qu'elle savait pas ça! Sachez que si Tania partage quelque chose comme ça en ondes, je vais aussi faire mes recherches. Et oui, tout à fait. Sachez que mes sources, avant de faire une chronique, sont vérifiées. Oui, tu vérifies partout. Ça, c'était juste une affaire que tu as dit dans ta vie tous les jours. Oui, exactement. C'était un article de dîner, là. C'était pas... Oui, oui. C'était pas un article de chronique, voilà. Mais c'est cute, ta naïveté, pas. Mais ça aurait pu vraiment être vrai, surtout aujourd'hui avec tous les produits qu'on a pour pouvoir perdre du poids, puis comment les athlètes se poussent au maximum de leur forme. Alors, ça aurait pu très bien arriver. Des produits miracles. On cherche tous la petite. Ce qu'on va savoir, c'est que demain matin, ESPN l'a refidé. Genre, finalement, c'était vrai, c'est juste leur site alternatif. C'est ça, exactement. Faut quand leur site plan. Voilà, c'est tout pour cet un fait. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Mise à jour sur la construction, on est en train d'amener des grosses palettes d'affaires là, sur le toit. Là. Ouais, je sens que ça va commencer à clouer dans pas long. Ouais, d'après moi, le clou du spectacle s'en vient. Oh, tout le monde. Donc, restez à l'écloute. OK, là, j'arrête. Oh boy. On prend une pause au retour. Oui. Ça va être les instructions d'assemblage. C'est là. Assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. CA. 89.1. Vous écoutez Assemblage Requis en ce mardi 13 septembre 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Dans quelques minutes, on va parler de sport. Dans sport et filoché, mais avance en musique. On écoute Artifice Palace. Avec la pièce entre tes mains. Ouh. Ça me coule à travers les doigts. Comme du sable. Non. OK. Merci. Rien de sexuel. Phew. Même si dans Palace, il y a ass. Et dans Assemblage Requis aussi, étrangement. Oui, c'est vrai. Artifice Palace, c'est la pièce entre tes mains. Tantôt, j'ai parlé de mains et de fesses. Oui, oui, ça fait ça. Non, Artifice Palace. Justement, ta chanson thème, Tania, me fait rire. Je disais tantôt aux collègues, à tous les collègues de la place, si vous voulez faire une flatulence, Dieu. La salle d'archivage de C'est fou est très ventilée et fermée de sa porte. La raison que ça m'a fait penser à ça, c'est que je venais juste de placer ton thème qui s'appelle The Biggest Fart of the Century. Puis ça me rend immature, le plus gros pet sur Terre. C'est pas de notre faute, c'est de même qui a été nommé. C'est pas moi qui ai fait la toune. Quelqu'un l'a composé juste pour Sport et Filoché. Sport ce matin parce que c'est quelque chose qui revient pas mal à tous les mardis. Moi, j'ai comme décidé que ça allait être à chaque mardi. Comme un boomerang. Exactement, parce que bien souvent, les sports de la fin de semaine se sont déjà produits. On a les communiqués qui sont sortis, les articles qui sont sortis. Alors, pourquoi pas le mardi? Moi, je me suis dit que c'était bon. Oui. Et sans plus tarder, on va commencer par les sports universitaires parce que c'est quand même une des bonnes sources qu'on aime. Ben oui, on commence ça parce qu'il est proche de nous. Exactement. Donc, du côté du golf universitaire, eh bien, on a eu une performance historique des Pats lors de la première ronde de l'ETS Open sur les allées du golf le victorien. Un cumulatif de 291 propulse l'équipe au deuxième rang du classement général, soit seulement 4 coups derrière le club de golf Rouge et Or de l'Université Laval. Ah, l'Université Laval, ils sont jamais bien loin de nos résultats. Des performances de 72 du capitaine Michael Langlois et du vétéran Carl Gélina ont mené le bal et la deuxième ronde prend son envol aujourd'hui. Donc, espérons que la température va être clémente. Ouais. Ça semble pas pire aujourd'hui. On devrait quand même avoir une belle journée pour ça et on devrait avoir des résultats sur les réseaux sociaux des Patriotes de l'UQTR pour tout ce qui va suivre pour ce qui est de la deuxième ronde. Ils sont tellement connectés. C'est fou. Le golf universitaire, moi, je pensais pas que c'était quelque chose qui était très, très, très assidu comme ça. Et pourtant, depuis quelques temps, puisque je fais la chronique des sports, j'en découvre de plus en plus et on est fort. Et nous, on découvre que t'es rempli de préjugés. Non, mais on est fort. On est très fort pour les Patriotes UQTR. Alors ça, c'est excellent. Du côté des Patriotes soccer, ça jouait du côté de Montréal cette fin de semaine contre les Citadins de l'Université de Montréal. Du côté de l'équipe masculine, eh bien, on a fait encore une fois égalité. C'était un match nul, 2-2. Ça, on va se le dire, c'est plate rare. Je sais, c'est quelque chose qui est quand même assez décevant du monde du soccer. J'ai quand même moi-même joué au soccer quelques années. Puis j'ai essayé ça parce qu'on sait jamais ça qui va gagner. T'as joué pour rien. Exactement. Tu sais, on accumule des points pareils au championnat avec un match qui est égal. Mais malheureusement, c'est quand même assez décevant parce qu'il n'y a pas personne qui gagne à la fin du match. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu plus décevant. Mais quand même, ça démontre pour une deuxième partie que les Pats de l'UQTR sont d'attaque cette année. On se souvient, le premier match de la saison avait été fait contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Et encore une fois, on avait fait match nul de ce côté-là. Donc, j'ai comme l'impression que les Pats de l'UQTR veulent vraiment démontrer sur le circuit universitaire ce qu'ils sont capables cette année. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer du côté de Trois-Rivières pour le prochain match. Ouais. Et du côté des filles, cette fin de semaine du côté de Montréal, et bien malheureusement une défaite de 5-0 face aux citadins de l'Université de Montréal. Je l'avais dit la dernière fois, ça semble un petit peu plus difficile pour l'équipe féminine des Patriotes de l'UQTR cette année. On a vraiment beaucoup de nouvelles. L'année dernière, on avait plusieurs filles qui étaient là depuis des années, mais on le sait, il y a un nombre X d'années à laquelle on peut faire partie de l'équipe de soccer universitaire ici. Et malheureusement, bien, il y en a qui ont tout simplement terminé leurs études. C'est ça, même si tu n'as pas atteint le maximum, tu peux finir tes études et t'en aller. C'est ça, ouais. Donc de ce côté-là, on avait perdu plusieurs joueuses et on est allé chercher faire un bon camp de recrutement, mais peut-être qu'on manque un petit peu cette communication-là sur le terrain, cette chimie-là envers l'équipe. Alors, on va se donner quelques matchs, ben oui, pour pouvoir justement serrer les liens, voir à quel point on peut se remonter les manches du côté de l'équipe universitaire féminine du soccer. Ne pas abandonner trop vite. Exactement. Voilà. Du côté des cheerleaders, des Patriotes de l'UQTR, bien, il y avait une première sélection pour l'équipe qui se faisait hier. Les résultats sont sur la page Facebook des cheerleaders, des Patriotes de l'UQTR. T'es nommé pas toutes? Ben, il n'y a pas de nom, malheureusement. Ah, okay. Ça fonctionne par les numéros qu'ils portaient, oui, sur leur dossard. Alors, si jamais vous voulez savoir vous êtes rendu où dans la sélection d'hier, bien, allez faire un tour sur la page Facebook des cheerleaders. Vous allez avoir tous les détails. Et il y a aussi une prochaine sélection qui est demain, encore une fois, au CAPS de l'UQTR dans un des gymnases. Donc, assurez-vous que c'est à la bonne place, bien évidemment. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, tous les détails sont, encore une fois, sur la page Facebook. Ah, et quand on parle de demain, on parle de mercredi 14. Oui, tout à fait. Du côté des Patriotes UQTR, hockey, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas discuté. Ils étaient du côté de l'Europe, mais il y a une grosse nouvelle qui est sortie. Un des attaquants de l'équipe d'hockey des Patriotes, Guillaume Asselin, a été invité par le Canadien au camp d'entraînement. Alors, un article qui est sorti du Nouvelliste de Nicolas Ducharme. Alors que le début de saison des Patriotes de l'UQTR se profile à l'horizon, l'attaquant Guillaume Asselin a reçu un appel inespéré. Il a été invité par le Canadien de Montréal afin de participer au camp des recrues. Un appel que le joueur qui fêtait ses 24 ans le jour même n'a pas vu venir. Donc, vendredi matin, c'est le recruteur Serge Boisvert qui l'a contacté pour lui dire qu'il était une des options considérées, okay, pour le camp. Puis en après-midi, Trevor Timmins... Non, ouais, c'est ça, ça serait méchant. Hein? Mais puis en après-midi, Trevor Timmins est venu lui confirmer le tout par téléphone. Donc, tout un cadeau de fête quand même pour l'attaquant des Patriotes. Trevor Timmins? Trevor Timmins! Ben oui! Terrible. Guillaume Asselin dit « Depuis l'année de mes 17 ans où j'ai pas été repêché, j'ai toujours voulu obtenir un camp comme celui-là. C'est la première fois qu'un gros club m'appelle. Le tricolore a ainsi tendu la main au meilleur joueur universitaire au Canada la saison dernière. Wow. » Parce qu'on se souvient, Guillaume Asselin avait remporté le titre de meilleur joueur sur le terrain universitaire dans les équipes de hockey. Donc, Asselin avait récolté 27 buts et 47 points en 28 matchs dans l'uniforme vert et or en 2015-2016, le plaçant bon premier dans toutes les catégories au pays. Il dit qu'il s'en va là avec rien à perdre. Il veut se faire voir. Il dit « Je serai avec des plus jeunes que moi, mais je veux laisser une bonne impression », souligne celui qui a moins d'une excellente offre, dit vouloir terminer ses études. Donc, ah, c'est fin, ça, c'est, ouais, c'est quelque chose qui est quand même très important pour lui. Et Asselin avait tenté sa chance chez les professionnels en 2013 dans le ECHL, après avoir amassé 306 points et 331 parties dans la LHJMQ avec le junior de Montréal et les Saguenayens de Chicoutimi. Une expérience qui s'était limitée quand même à 11 parties avant qu'il décide de prendre le chemin de Trois-Rivières. On le sait, c'est une, je pourrais dire un joueur clé ici à Trois-Rivières. Guillaume Asselin, il est toujours au bon moment, à la bonne place. Il sait très bien jongler avec la rondelle. Il sait quand il est temps de faire une passe ou quoi que ce soit. Donc, on espère de notre côté peut-être pas trop le perdre. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est quand même un bon allié pour les Patriotes. Mais j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer pour lui du côté du camp d'entraînement des Patriotes des Canadiens de Montréal. Tu as dit qu'il a commencé par l'ECHL. C'est ça, l'ECHL? Non, en fait, il a commencé par la Ligue junior majeure, okay, du Québec. Puis par la suite, il a voulu aller professionnel dans la ECHL. Parce qu'avoue que commencer en bas de l'échelle... C'est cool, ECHL. C'est quand même le bon... Je sais pas si c'est un slogan qui devrait peut-être commencer à être utilisé, mais commencer en bas de l'échelle. C'est un très bon slogan, t'as bien raison, Mathieu. Il était attaquant, M. Asselin? Oui! La dinde et les attaquants, c'est un très bon nom pour une émission de hockey, la dinde et les attaquants. Tout à fait. T'sais? Du côté du Blizzard de Trois-Rivières, une équipe de hockey locale ici dans la Ligue nord-américaine, eh bien, on a commencé les pratiques donc hors saison, le camp de recrutement, disons-le comme ça. Donc, le Blizzard de Trois-Rivières s'est entendu déjà avec trois de ses premiers choix du repêchage spécial de dissolution des River Kings de Cornwall. On parle entre autres du défenseur William Lacasse ainsi que les attaquants David Croteau et Martin Larivière. Ils ont confirmé leur association avec la formation trifluvienne au courant de la fin de semaine. Le directeur général de l'équipe, Bob Desjardins, était vraiment fier de faire l'annonce de ses signatures de ses joueurs dimanche soir. Au lendemain du début du camp d'entraînement de l'équipe, comme je le disais, il a pris le temps vraiment d'émettre un commentaire sur chacun des joueurs et ce qu'ils s'attendent d'eux. Ah, c'est bien. Il y a d'autres pratiques qui arrivent, donc entre autres demain soir, ça va être la deuxième pratique. Par la suite, le premier match préparatoire à la saison, sachez-le, va être le 23 septembre ici au Colisée de Trois-Rivières. Et la soirée d'ouverture pour la saison régulière de l'hiver devrait être le 7 octobre prochain. J'essaierai dans les prochains jours peut-être même de m'entretenir avec un des dirigeants de l'équipe, savoir comment ça se passe du côté du camp d'entraînement. Et mardi prochain, eh bien, peut-être qu'on aura des nouvelles de ce côté-là. Ouais, on a le temps d'en reparler en masse. On va faire cette chronique-là chaque semaine. Tout à fait. Ouais, cool. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Génial, très bon travail. Sport et filoché tous les mardis avec une chanson tellement beatée que je ne peux pas m'empêcher de toucher de la tête tout le long. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Ça me fait de quoi faire pendant que tu parles de sport. Voilà, je savais. C'est une blague. Je hein? savais, une grosse Dieu. Blague. Merci, Tal. Ça fait plaisir. Au retour de cette chanson-là, on va être rendu à d'autres chroniques. C'est les instructions d'assemblage. Mm-hmm. Mais pour l'instant, comme on a parlé de sport, je me dis qu'un match de boxe entre un humain et une vache, ça serait pas pire. Hey, quand Donc même. Voici Carl Puncher et Straight Line. Assemblage de qui sur ses feux? I'm smoking right straight to the top. Star Puncher, Straight Line. Au retour, est-ce que tu te rappelles ce qu'on fait, Tania? Les instructions de sondage. Au retour, restez là. Un sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. C'est à 89 Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce mardi 13 septembre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Il nous reste une heure environ à l'émission. On termine toujours à 9h30. Et dans là. Oui, comme là. Dans là. Maintenant. Là. Comme sans, là. Là. Non, pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant? C'est un des nombreux conseils. Là, tout à fait. De la vie qu'on fait dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Ouais, t'as pas écouté la chronique, d'abord, hein? C'est les instructions d'assemblage où on se donne quelques conseils de vie, quelques conseils pour mieux vivre. Évidemment, ce ne sont pas des instructions comme dans « Vous devez le faire », non, mais des conseils que vous pouvez prendre ou laisser. Commençons par le travail. On nous dit d'arriver tôt pour impressionner son patron, mais de ne pas rester trop tard. OK. Peu importe si vous restez très tard au bureau, votre directeur, votre personne responsable, peu importe, va vous apprécier plus si vous arrivez à l'avance, nous dit une étude de la University of Washington. Donc, les chercheurs ont fait une expérience avec 149 paires de superviseurs et leurs employés. Les superviseurs cotaient donc leur junior, leur petit employé, sur son aspect de conscience. S'il est consciencieux, hein, et la performance au travail, ils ont pris aussi les heures de travail dans leur recherche. Même si on calcule les heures complètes, les heures totales passées au travail, leur performance au travail et les cotes que se donnent eux-mêmes les employés sur leur aspect consciencieux et tout ça, ce qu'on apprend, c'est que les superviseurs perçoivent psychologiquement leurs employés qui commencent plus tard dans la journée comme étant moins consciencieux. Et je l'ai souvent entendu dans ma vie, dans le temps où j'animais l'après-midi. Oui. On animait de 15h à 17h à Assemblage requis et je finissais tard, des fois à 18 et plus à tous les soirs, mais j'arrivais plus tard le matin. Je pouvais arriver à 10h, ouais, mettons, une fois de temps en temps. Et on me disait, ouais, en tout cas, on rentre tard, tu sais. Ou genre, je prenais le vendredi de congé parce que j'avais travaillé jusqu'à 8, 9, 10, 11h au journal le soir. Ouais, on prend le vendredi à premier petit congé. Me faisait dire ça. C'est un peu frustrant. Et c'est psychologique. Les personnes, les gens ne comprennent pas ces affaires-là. Quand t'arrives tard, faut que t'arrives tôt pour avoir exactement l'air comme nous, mettons. Nous, mettons, à 7h15, on a l'air de bien travailler. Et voilà. Mais on peut partir tôt l'après-midi aussi. Mm-hmm. On le fait pas, mais on peut. C'est pas les jours. Donc, c'est une perception. Voilà. Exactement. On les cote comme étant de moins bons performers, même si on va travailler le même nombre d'heures. Et le style de travail du superviseur importe aussi. Les superviseurs qui arrivent tard eux-mêmes ne pensaient pas trop négativement par rapport aux employés qui arrivaient tard. Si l'employeur le fait lui-même, ça dérange moins pour lui. Ah, bon, tu vois. Mais il voyait quand même ceux qui arrivaient plus tôt comme quelque chose de positif. Mais c'était pas négatif, c'était arrivé plus tard. On se comprend, okay. Oui, on se comprend. Bref, si vous voulez impressionner votre patron, arrivez tôt au travail. Ensuite, il faut que tu cotes les besoins que tu as entre 1 et 10 avant de négocier avec ton patron, nous dit-on. Ah, hein, d'accord. Négocier un bon deal, comme on l'appelle, c'est un art, comme dirait Donald Trump, the art of the deal. Hey boy. Il l'a dit dans son livre, mais il faut connaître ses priorités et ce qui va faire un bon deal avant même de commencer. Donc, avant de commencer, tu vas coter chaque affaire sur une échelle de 1 à 10 pour savoir ce qui est le plus important pour toi. Quelque chose de très important, par exemple, comme, je sais pas, une vacance non négociable. Faut que j'aille à Las Vegas chaque hiver. Mais non, on va faire un domaine. Ce serait un 10 parce que t'as une grosse cote. Quelque chose qui t'importe moins, comme peut-être travailler à la maison. Pourtant, je trouve ça quand même assez important, mais ça pourrait être un 1. Hein? Plus c'est important, plus ça va en haut. On dit que c'est mieux de faire ça pour ta propre référence, pour ton propre bien-être. Ça sert à rien de montrer tes cartes à l'employeur et lui dire « ça c'est plus important, ça c'est moins important ». Faut juste faire du va-et-vient pour essayer que tout le monde s'entende. Tu diras pas à ton patron « mes vacances, c'est numéro 1 sur la liste » ou numéro 10 dans ce cas-ci. On doit pas faire ça. Voilà. Par contre, on peut essayer d'ouvrir un petit peu, par exemple, si tu veux savoir, par exemple, peut-être dire que 1, ça pourrait être quelque chose de plus neutre et 10 pourrait être quelque chose qui est vraiment très très important pour toi. Ça veut pas dire que c'est pas important le numéro 1, hein. C'est seulement quelque chose qui pourrait être neutre ou ça te dérange moins. Ah, voilà. Ensuite, on dit qu'on peut améliorer la santé et le bonheur de notre chat avec des machines qui vont le nourrir. Ben oui, c'est sûr. Qui vont le nourrir, mais qu'il faut qu'ils fassent comme un petit peu plus de travail mental, un genre de puzzle, mais on peut les faire à la maison. Et j'ai trouvé un article sur lifehacker.com qui vous dit comment en fabriquer un vous-même. Donc, une étude récente suggère que les chats, particulièrement les chats d'intérieur, peuvent vraiment tirer profit de puzzles de nourriture, ce qui les force à jouer avec leur nourriture avant de la manger. Nous, on est faire le contraire, de pas jouer avec la nourriture, mais les chats, c'est pas comme ça. Donc, quelques façons pour le faire, c'est sur le blog de Purina One, la nourriture pour chats. Ils ont 6 différents modèles de puzzle feeders qu'on peut facilement construire avec des choses qu'on a déjà dans la maison. Par exemple, un pot de crème sûre, un contenant de fromage cottage, une bouteille de plastique d'eau, des œufs de Pâques en plastique, une boîte à souliers, un carton de lait ou du papier cartonné. On dit de vider le contenant de crème sûre qui s'appelle la roue. Et ensuite, on a juste besoin de couvercle de plastique additionnel, un petit peu de colle non toxique et un outil coupant comme un canif pour faire fonctionner. Ça. Donc, numéro 1, on va s'assurer que le contenant est complètement propre. Comment t'appelles ça? C'est quoi le mot? Pour nettoyer quelque chose pour que ce soit qu'on puisse manger dessus. Désinfecter, c'est le mot que je cherchais, merci. Numéro 2, on utilise un exacto ou un canif, c'est ça, pour faire quelques trous sur le côté du contenant qui sont assez gros pour qu'un morceau de nourriture passe. Et ensuite, on va coller le couvercle additionnel en dessous du contenant qui va être un petit peu plus grand que le diamètre. Et ça va permettre à tout ça de rouler et de créer le puzzle pour votre chat. Donc, si c'est un petit peu trop visuel pour vous, celui-là, déjà pour moi. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour l'article de Lifehacker pour améliorer la santé et le bonheur de votre chat. Ensuite, si vous avez un Mac, un ordinateur Apple, alors vous pouvez personnaliser les paramètres d'alimentation avec le chien qui s'appelle Amphétamine. Ouh! Donc, si vous voulez garder votre ordinateur allumé jusqu'à ce que certaines applications ou processus aient terminé et que vous ne faites pas confiance aux paramètres de base de l'ordinateur, l'application Amphétamine 3.0 va faire ce que vous voulez à votre Mac par rapport à l'alimentation. Donc, ça vit dans votre barre de menu en haut de l'écran et ça passe par-dessus les paramètres d'énergie de macOS 10 ou macOS pour garder votre Mac réveillé alors qu'il pourrait sinon s'en aller en mode sommeil. Donc, vous pouvez choisir des heures pour activer et désactiver l'éveil de votre Mac, lui dire quel affichage ou quel disque dur garder debout. Donc, ça pourrait faire que certains disques durs aillent en veille, tes 2 et 3 moniteurs additionnels en veille, mais le principal resterait allumé, etc. Donc, tu as plein de petits paramètres comme ça, des conditions très, très spécifiques. Tu peux même l'activer pour qu'il connecte à un réseau Wi-Fi quand tu veux, à certaines heures. Il y a aussi une application qui s'appelle Caffeine, qu'on la connaît un petit peu plus, elle existe depuis plus longtemps, qui fait des choses similaires, mais pas mal juste... c'est pas mal plus basic, Caffeine. Donc, allez-y avec Amphétamine 3, c'est sur le Mac App Store. Ensuite, on dit que l'anxiété par rapport à l'argent, l'angoisse par rapport à l'argent, que c'est une vraie chose et qu'on devrait en parler à quelqu'un. L'argent n'est pas qu'un outil, même si des fois on a l'air de penser que c'est pas mal juste un outil pour réussir à acheter des choses. Je pense que ça l'est quand même aussi. Ouais, quand même. Mais c'est aussi un stress pour bien les gens. C'est aussi un sujet assez tabou. On a tendance à pas parler de nos problèmes d'argent, ça nous gêne. C'est vrai. Est-ce que tu fais ça, genre, t'as de la misère à... Moi, je pense que non. Moi, c'est pas tabou. C'est pas vraiment de tabou. On se parle de problèmes d'argent. Ouais, parce qu'on est dans le même bateau. Comment ça? Mais c'est... je vais pas parler de ça avec n'importe qui. Non, puis pas en onde. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Learn Vest, c'est faux. Ne pas parler contre ton employeur. Donc, Learn Vest nous apprend que l'American Psychological Association a un sondage qui s'appelle Stress in America. quand même assez spécifique comme nom, Stress in America, qui nous apprend que l'argent est la source de stress numéro 1 aux États-Unis depuis 2007. Ah, mais j'en doute pas. Ben non, ça peut avoir un impact sur ta santé mentale et ta santé physique. Une étude de la Northwestern University nous apprend que les participants avec une dette plus élevée avaient des symptômes de dépression plus élevés aussi et une plus haute pression sanguine. OK. Ceux avec une plus grosse dette, oui, avaient 1,3% d'augmentation relative à la moyenne de pression sanguine diastolique, ce qui est cliniquement significatif, nous dit-on. Donc, une augmentation de 2 points dans cette pression sanguine-là peut, par exemple, être associée avec 17% de plus haut risque d'hypertension et 15% de risque de plus d'avoir une attaque cardiaque. Wow. Donc, parler, ça va pas nécessairement effacer vos problèmes, surtout si vous en parlez à un psychologue à 90$ de l'heure. Ouais, c'est ça. Mais ça peut vous aider à passer au travers. Le médecin Dr. Gary Grisham, une psychologue spécialisée en anxiété financière ou en angoisse financière, le dit. Donc, le soutien social est un des plus grands outils qu'on a pour gérer le stress par rapport à l'argent. Donc, elle suggère de trouver des gens qui sont un peu... comme on dit tantôt, dans le même bateau, mm-hmm. des gens qui pensent pareil. Donc, avoir un soutien en ligne, par exemple, les forums, des sites de finances, peu importe. Trouver une communauté, même si c'est anonyme, que vous n'utilisez pas votre vrai nom, ça peut être réconfortant et ça peut vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul, des fois, à avoir de la difficulté à dormir parce que vous manquez d'argent pour payer vos factures. Et voilà. Si vous cherchez un endroit pour commencer, il y a plusieurs groupes Facebook. Donc, cherchez. Il y a aussi un groupe qui s'appelle en anglais Your Money and Your Life. C'est pour l'émission de NPR, la radio publique. Donc, si vous êtes confortable en anglais, allez-y. Avec ça. Ensuite, si vous voulez avoir une promotion, on revient au bureau un peu, on dit de montrer que vous êtes le standard, la barre de votre travail, dans le sens que vous êtes la personne modèle à suivre. Ah, okay. Vous êtes la personne type. Vous êtes la meilleure personne pour faire votre travail. Donc, on dit que d'atteindre les attentes est une bonne façon de garder vos collègues et vos patrons heureux, donc satisfaits de votre travail. Mais si vous voulez prouver que vous avez une assez bonne valeur pour peut-être monter dans l'échelle, il ne faut pas seulement excéder les attentes, il faut être soi-même la barre qui va être après ça à atteindre pour les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc, un site d'affaires qui s'appelle Entrepreneur, quand même, nous explique que, donc, être, je dirais, la barre ou le standard pour votre travail, c'est plus que juste faire le nécessaire. Tu sais, faire genre le strict minimum, pas avoir d'initiative, juste être super stagnant dans ta job, mettons. C'est pas nécessairement ce qui va vous mener peut-être très, très haut au travail. Hein? Donc, mettre la barre haute pour les autres avec votre travail, ça veut dire de vraiment bien performer selon vos propres critères et non pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. On dit que vous avez besoin d'être à 80% précis dans votre travail, mais si vous êtes constamment à 90%+, vous avez donc mis la barre plus haute sur votre travail et comment il devrait être fait. Donc, faites votre travail, travaillez fort et laissez votre succès parler. Ça ne veut pas dire d'être workaholic, ça veut juste dire montrer que vous faites votre travail bien. Mieux que n'importe qui d'autre. Pas fou. Pas fou quand même. Hein? Chaque patron, c'est ce qu'il veut voir. Tu fais ton travail, tu remplis tes tâches sans te plaindre et tu performes au mieux de tes capacités. Voilà. Ça montre au patron que vous êtes prêt à monter dans les échelons de la compagnie. Et c'est à peu près ça. Bon. Si vous faites le jeu le minimum, attendez-vous pas à ce que ça dure bien longtemps. Ensuite, utilisez... Est-ce que ça va, Tania? Tu t'étouffes oui, un peu? Ça va très bien. La misère avec la gorge aussi, j'étais à l'impro hier, on en parlera mercredi. C'est là, tu mouilles, mais ouais. ça va. Ça va aller. Donc, on va parler de l'improvisation avec Gabriel Béhoud mercredi, c'est oui. La première fois qu'on l'annonce. C'est le retour? Oui, à 8h30 mercredi. C'était le Punch Club hier, et le Punch Club, c'est des matchs d'impro en affrontement 2 contre 2. Et t'as une foule derrière les improvisateurs, pas juste dans la foule dans la salle, t'en as derrière eux, qui crient et qui font des « Oh shit », des « Oh yeah », des « Wah wah oh ». Et j'ai crié toute la soirée. Donc, ma voix va faire brrr. Une chance que cet après-midi, l'émission est musicale. Oui, c'est vrai, parce que... Hein? On en parlera tout à l'heure. On est donc dans les instructions d'assemblage et on parle de pantalons. On dit d'utiliser vos pantalons comme appareil de... est-ce qu'on dit de flottaison, je pense, en français? Oui, flottaison. Dans des situations de survie. Ah, mais c'est pas pire. Ouais, si vous êtes dans un bateau en train de... disons, de plonger dans le fond de la mer, que vous tombez par-dessus bord et que vous n'avez pas d'appareil de flottaison, ça pourrait être le moment d'enlever les pantalons. Et voilà. Boom, chicka, pow, wow. Donc, c'est un truc de survie. Tout le monde tout nu! Donc, ça va vous aider à flotter sur l'eau et utiliser moins d'énergie pendant que vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver. Donc c'est une vidéo de Black Scout Survival sur YouTube qui nous montre donc cette technique de survie qui est enseignée à tous les Marines américains. Donc c'est pas n'importe quoi. Ok. Sauf que vous arrivez dans l'eau, on enlève les pantalons. Bien sûr, une fois qu'on les a enlevés, on va attacher les jambes, les pattes des pantalons ensemble avec un seul nœud carré qu'on appelle. Et ensuite, on va prendre les pantalons par la taille et on va les tirer, les sortir de l'eau en leur donnant un bon fouettage. Et laisser donc les pattes du pantalon, les jambes se remplir d'eau. Est-ce que tu comprends? Tu vas oui. remplir les pantalons d'eau, un peu comme quand tu vas... te baigner avec des maillots de bain puis que genre t'es ça fait des grosses bulles d'eau dans l'eau, c'est la même affaire. C'est un peu ça que tu veux faire. C'est ce qu'on veut faire. Donc chaque patte de pantalon devrait se remplir d'air et tout ça devrait prendre quelques essais pour réussir à l'avoir. Et une fois que t'as capturé assez d'air, tu peux passer ta tête au travers des jambes qui sont maintenant attachées en nœuds pour pouvoir passer ça sur ta tête et flotter. Et en flottant, tu vas utiliser ton autre main pour garder la patte de pantalon mouillée pour pouvoir retenir l'air à l'intérieur plus longtemps. Voilà. Même si t'es proche du bord de la rivière ou peu importe, ce truc-là peut rendre la nage plus facile et vous empêcher de vous fatiguer parce que vous n'avez pas à supporter votre propre poids. Ah, mais c'est vraiment intelligent, sérieux. Allez voir la vidéo, c'est super cool, super bien fait et c'est un vrai Marine américain qui le montre. Ensuite, là, on y va avec un conseil de beauté que j'espère que ça va avoir du sens sortant de ma bouche. C'est de le moisturizer, c'est comme un humidifiant de facial. Donc, on dit de s'humidifier la peau pour que ton eau de cologne dure plus longtemps. Ah, ouais? On se comprend là-dedans. Donc, mettre un parfum au début de la journée et s'attendre à ce que ça reste, que ça colle tout le long de la journée jusqu'à un événement de fin de soirée. C'est un peu difficile, mais Aaron Marino de I Am Alpha M a un truc assez simple et même certains diraient évident pour que ça dure plus longtemps. Et c'est pas juste d'en remettre d'autres, on dit moisturize. Hein? Avant. Avant. Donc, si tu moisturize ton visage avant d'appliquer ton autre cologne ou autre fragrance, ça va s'évaporer plus tranquillement et ça va rester plus longtemps sans avoir à en appliquer d'autres ou encore à être un petit peu trop intense dans ton odeur avec les autres. Étant donné que l'autre cologne et des autres fragrances sont une dilution, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui, quand même. Un dilué de l'odeur présent dans l'eau et dans l'alcool. Uh-huh. T'as seulement à humidifier ta peau en premier, ensuite appliquer la fragrance ou même un peu d'après rasage, si c'est ce que tu fais d'habitude, à la place de l'appliquer directement en sortant de la douche ou immédiatement après le rasage. Un moisturizer. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça en français? Comment est-ce qu'il y a un nom pour ça? Un hydratant. Un hydratant. Merci. Fait plaisir. Fait que je te le demande pour que tu dises. La crème hydratante. Crème hydratante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais pas me corriger, hein? Je suis en train de regarder le petit vidéo, je le trouve vraiment drôle. Je pensais que j'avais eu l'air si fou que ça. Non, non, je trouve qu'il ressemble un peu à Alexandre Tagliani, mais... en moins beau, non? Non, un petit peu plus douchebag. OK. Pas plus douillet. C'est gentil pour Alexandre Tagliani, voilà, c'est bon. Oui, exact. Est-ce que tu sais qui il est? Oui, je le prends tout le temps gratiné quand je suis chez Pachi. Je fais ce gag-là à chaque fois que j'entends ce ton-là. Je le trouve trop drôle. Un petit Tagliani gratiné. Miam, miam, miam. Ouais, tout à fait. Donnez-vous une impression d'avoir le contrôle pour passer par-dessus votre procrastination. Es-tu le genre de personne qui remet à plus tard? Oui, la réponse est oui. Ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi tu ne le fais pas, c'est ça? Non? Ça dépend sur quoi est-ce que je procrastine. Dans quel domaine tu procrastines? On veut te connaître, Tania. Ça fait juste un an qu'on est ensemble. Le ménage. Ah voilà! Tout le monde est là-dessus, je pense. Le ménage, je procrastine fois 1000. Voilà. Les projets, je ne procrastine. Non, parce que t'es une femme motivée. Voilà. Nouveau blog. Je dis rarement. Oui, rarement. Parfois, j'arrive à procrastiner. C'est quel blog? Ça s'en vient, là. On est en train de nous mettre les articles. La semaine prochaine. C'est tout ou tu viens de lancer ça online? Bye! Ça va venir un jour. Donc, ta motivation, des fois, elle peut être basse, faible. Peu de motivation, oui. Ça t'arrive. Oui, c'est difficile de commencer à faire ton travail. Bon, rien peut, t'enlever la motivation. Comme avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ton travail. Ah, mon Dieu, oui. Pour contrer ça, il faut trouver des façons d'avoir plus de contrôle. Donc, c'est un site de conseil qui s'appelle Barking Up the Wrong Tree. On adore ça, j'ai un peu au mauvais arbre. Ça nous dit que se sentir surpassé par l'énormité de la tâche. Donc, tu sais, des fois, tu vois ça comme une montagne. Mm-hmm. Ça te donne l'impression que t'as pas le contrôle parce que, Caroline, où est-ce que je vais commencer? Tu te sens impuissant un petit peu, c'est difficile de trouver un début. Hein? C'est de la difficulté, donc commence à trouver une façon de contrôler le chaos. Donc, les astronautes, les soldats, peu importe, américains, les samouraïs sont d'accord. Avoir l'impression d'avoir un contrôle calme peut réduire le stress devant une tâche. Qu'est-ce que c'est? Donc, David Allen, le gars derrière le système de productivité qu'on appelle Getting Things Done, on voit des fois l'acronyme GTD. Oui. Il dit qu'on se sent moins stressé parce que les projets ont l'air trop gros et épeurants. Donc, il faut défaire les tâches en toutes petites étapes qu'on peut facilement régler. Voilà. Divisé en de petites une tâches. Une to-do list. Une to-do list, tellement elle est douce. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Bon, hein? C'est vraiment... Oui. Donc, on prend le gros projet et on fait des petites étapes très faciles à régler. Donc, ça va être, tu vas avoir l'impression d'avoir accompli plus de choses parce que tu vas avoir coché plein d'affaires sur ta liste. Hein? Et on dit donc de s'approprier sa liste de choses à faire. Ensuite, tiens, si t'écoutes Netflix sur ton ordinateur, ouais. Est-ce que tu fais ça des fois ou c'est non, plus tablette? Non, j'ai pas Netflix, malheureusement. Not Netflix! J'ai pas Netflix. C'est la belle vie, ça, 10$. Ouais, je sais. Donc, on peut ajouter un bouton pour regarder une émission ou un film au hasard sur Netflix avec une application, une extension, pardon, sur Chrome, le furteur Chrome. Donc, si vous avez eu envie de regarder une émission au hasard sur Netflix, ça s'appelle le Random Button for Netflix, une extension Chrome qui fait exactement ça. Une fois l'extension installée, tu vas voir apparaître évidemment un bouton Random dans ton menu Netflix. On peut le personnaliser pour seulement montrer des films, des documentaires, ça pourrait être des émissions de télé ou une variation des trois. Une chose très simple pour les jours où tu sais pas quoi regarder. T'as fini la saison de ta plus récente série. Bon, évidemment, Netflix va te dire, bon, dans le même genre, vous devriez écouter ça parce que vous aimez ça. Mais si vous voulez écouter quelque chose dans un autre domaine, même si, en fait, sur Netflix, les recommandations sont pas souvent... très très approprié, je trouve. Je sais pas leur algorithme, ils l'ont pris où, mais tu sais, genre une série pour enfants, j'écoute ça, puis ils vont me suggérer un film d'horreur. Ah mon Dieu. Non, mais tu sais, je vois. Parce qu'il doit avoir un enfant dans le film d'horreur. Hey, un des acteurs qu'il y a dedans, c'est pas fou ça, j'avais pas pensé peut-être. À ça. C'est peut-être ça. J'avais pas pensé à ça. Eh ben. Ça s'appelle donc Netflix. Pardon, Random Button for Netflix. Sur compte. Ensuite. Enfin. Toujours dans les instructions d'assemblage, pour que vos vacances aient l'air d'être plus longues, on change un peu notre psychologie. Si vous avez déjà pris une vacance, des vacances d'une semaine et vous avez l'impression que ça va durer que quelques jours, c'est sûrement parce que vous avez trop planifié et vous n'avez pas assez vécu dans le moment. Ah, d'accord. Donc, si tu veux que tes vacances durent... C'est vrai qu'en en français, on dit plus des vacances. Parce qu'en anglais, c'est une vacance. C'est vrai. Après. Bref, si tu veux que tes vacances... Parce qu'en fait, c'est des journées de vacances. Ben, arrête. Dis. Peut-être. Tu penses? Mon anglais aussi. Tu peux pas, dire des vacances. Tu calcules une vacance, deux vacances, trois vacances, toi? Ouais. OK. Je suis original là-même. Non, c'est sûr que tes vacances sont plus longtemps. Ça mérite une recherche. Ça mérite. Ça mérite. Donc, tu dois te focusser sur la qualité des souvenirs que tu vas te créer, non pas sur la quantité. C'est ce que le psychologue Mark Whitman, l'auteur de Felt Time, The Psychology of How We Perceive Time. Il appelle ça le Classic Holiday Effect. Donc, l'effet classique des fêtes, des vacances, dépendant. Donc, n'importe quel intervalle va avoir l'air plus long si tu as plus de souvenirs créés par rapport à ça. Si tu vis plus de moments mémorables, le temps s'étire. Mais si t'es complètement détaché des choses qui t'arrivent, tu vas pas les emmagasiner. Et l'émotion et la colle de tes souvenirs. C'est bien dit, hein? Mm-hmm. L'émotion et la colle de tes souvenirs. Pour te faire plus de souvenirs de qualité, on suggère d'éviter la surplanification de vos voyages pour être forcé à rester dans le moment présent. Whitman dit que planifier va accélérer le passage du temps parce que ta perspective mentale est toujours dans le futur en train de planifier ce que tu vas faire plus tard et non dans le présent. Tu comprends? Ton énergie mentale est gaspillée à focusser sur ce qui s'en vient. Donc, planifiez votre prochaine vacance un peu, mais laissez de la place pour aérer un peu. Un peu comme un bon vin. Tu comprends? Voilà. C'est magnifique. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui! OK, c'est quand même un petit article, là, mais je vais essayer de vous lire ça assez rapidement. On est là pour apprendre. Donc, pourquoi ajoute-t-on toujours un S à ces fameuses vacances? Parce que nous souhaitons qu'elles ne cessent jamais? Ou comment doit-on orthographier ce mot? C'est ce que Motadis, dans son désir de continuellement vous faire explorer notre langue française, blablabla. Il faut donc corriger les erreurs les plus courantes. Tout d'abord, le mot vacances signifie ce qui est vacant et disponible. Ce mot a été formé au 14e siècle et un dérivé du verbe latin vacare, qui a comme sens qui est vide, inoccupé. Donc, à cette époque, on parlait alors de vacances, pas de S, quand il n'y avait plus de roi en poste pour occuper ses fonctions. L'Église catholique utilisait, elle aussi, le terme vacances, pas de S, mais pour désigner la période de temps pendant laquelle on devait attendre avant de procéder à l'élection d'un successeur lorsque le pape mourait. OK? Donc, ce mot est encore utilisé aujourd'hui dans les sphères politiques. Le mot vacances avec un S au pluriel a d'abord été employé dans le domaine judiciaire, alors qu'au siècle dernier, on parlait déjà de vacances avec un S de la magistrature alors que les tribunaux mettaient un terme à leur activité pendant quelques jours. Pour nous, depuis une centaine d'années, le mot vacances avec un S tel que nous l'écrivons signifie bien quant à lui un temps pendant lequel on arrête de travailler ou bien le laps de temps pendant lequel les élèves cessent leur étude. Bien que vous vous ayez tout votre temps et que vous vous sentiez en plein moment de vide lorsque vous prenez quelques journées estivales pour relaxer ou pour faire un petit voyage, le terme approprié est bel et bien vacances avec un S. Wow! Avec la marque du pluriel. Maintenant, vous savez quelle est la bonne orthographe. Hey, c'est parfait, c'est un mini, c'est un fait. Dans les esprits d'assemblage, on aime ça. Voilà! Merci, Tania. Ça fait plaisir. Est-ce que tu souhaites améliorer ta posture? T'es quand même droite comme fille? C'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup quand j'étais petite. Ouais. Mes parents me disaient tout le temps, Tania, tu te recourbes. Ouais. Fait que je me tenais tout en droite. C'est quelque chose qui me vient quand même assez facilement, là. Je suis tout le temps droite, mais j'y pense tout le temps. Pareil pour moi, j'y pense tout le temps aussi, puis je suis tout le temps en train de me ramener les épaules par en arrière. Bref, on veut améliorer notre posture. Excusez, il y a un trailer dans les airs. Ah, excuse-moi, j'ai pas regardé, je suis bloqué un petit peu dans les airs. J'ai fait le son. Hein, c'est-tu le trailer de la madame avec les petites fleurs? Ben, on dirait ça, hein. Il va avoir un trailer sur le toit? Ben, là, présentement, je doute qu'on est en sécurité. Est-ce qu'ils vont construire un trailer park, un parc de... sur le toit? Ce serait pas pire, pareil, les roulants sur le toit? Ça s'en vient directement au-dessus de nous, Mathieu. Pas dans vite, là, comme directement sur nos têtes. Avoue que c'est comme de la radio-réalité. C'est exactement ça. On a une grande baie vitrée dans le studio. C'est les anciens bureaux de l'OGE, pour ceux qui sont déjà passés par là. Oui. Donc, il y a une grande vitre. Pas de star, parce qu'on n'a pas de budget. Non, c'est ça. C'est ça. Fait. Donc, on voit l'action derrière de la construction. On était en train donc d'améliorer... De parler, oui, de position. De notre posture, exactement. Peu importe la position que vous avez, avec quelques petits trucs rapides. On peut faire, évidemment, bon, on a déjà parlé dans cette chronique-là et sur le site lifehacker.com de faire des réchauffements. On peut améliorer notre flexibilité, on peut faire plein de trucs au bureau, on peut faire des push-ups, genre simili push-ups sur notre chaise, on peut faire plein de trucs. Mais que vous soyez assis, debout ou couché sur le côté, Adam Bornstein de Born Fitness... je sais pas si c'est un jeu de mots, Born Fitness et Bornstein, je pense que oui. Peut-être. Wow. Je suis impressionné. Partage des trucs pour améliorer votre posture. Donc, selon lui, la meilleure façon, il y a une façon en fait de se lever debout et de se coucher. Je m'excuse, je suis déconcentré un peu par le bout. Vous, hein? Donc, debout, votre poids est distribué sur vos deux pieds et non pas d'un pied à l'autre. Vos pieds devraient être pointés directement par en avant ou vers l'extérieur un petit peu pour améliorer ta posture debout. Les pieds vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. On se comprend là-dessus? Sinon, ils pointent directement devant. Donc ça, c'est... OK. Donc, un peu. Ouais. Comment est-ce qu'on répare ça? Est-ce que c'était un problème? Excuse-moi. Ouais, c'est ce que ça dit, que vos pieds devraient pointer vers l'avant. Oui. Réparation. Sautez un petit peu trois fois dans les airs pour reprendre votre équilibre. Ensuite, alignez vos pieds. Et vous allez avoir une posture qui est la meilleure pour se tenir debout. Sauter un peu trois fois pour rééquilibrer votre corps. D'accord. Tu comprends? OK, je comprends. C'est divisé en paragraphes, mais ils n'ont pas comme mis d'espace dans les paragraphes. Chaque point a deux affaires. Exactement. Deuxième affaire, donc. Pour se coucher sur le côté. Voilà. Oui. Idéalement, tes genoux et tes hanches devraient être un peu pliés. Oui. Et tu devrais avoir tes chevilles, tes hanches et tes épaules et tes oreilles alignées. Hey, boy, je sais. Là, on parle de quelque chose. OK, peut-être que là, j'ai pas une bonne posture. Donc, est-ce que tu veux une réparation pour réussir à avoir cette bonne posture-là? On dit d'essayer de dormir avec un oreiller entre les jambes. Ça, D'où l'oreiller de corps. Moi, c'est mon meilleur ami. Oui. Quand il y a pas personne qui partage mon lit, là. On se comprend. Donc, on va répéter. Il faut avoir les genoux et les hanches un peu pliés. Et puis avoir les chevilles, les hanches, les épaules et les oreilles alignées. Lorsque vous arrivez à changer l'oreiller de corps pour... quelqu'un, c'est vraiment plus plaisant. Ouais. Travaillez fort là-dessus. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. J'ai besoin de me virer de bord avec un oreiller de corps. Ou un oreiller en général. Ouais, moi aussi. Ouais. Ensuite, ça je le fais pas, mais je devrais. Ensuite, tiens, assis. Ton poids devrait être distribué de façon égale sur les deux côtés de tes fesses. Donc tes hanches, tes épaules et tes oreilles devraient être encore une fois alignées et ton visage et tes yeux devraient regarder directement vers le devant. OK, fait que nos ordinateurs sont pas nécessairement à la bonne hauteur. Le tien, non, mais le mien, oui. OK. Parce que je crois qu'il faut que tes yeux soient au milieu de ton écran. Donc nous, le pied d'ordinateur a été installé exactement à la bonne hauteur pour ça. Ouais, c'est ça. Mais toi, non. Exact. Tu devrais avoir une petite boîte, genre, en dessous. Chez moi, j'utilise un vieux disque dur. Quand même, pourquoi pas. Mais si on n'a pas tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Colin? Bonne question, ça, Tania. Voyons donc, c'est comme si tu suivais. Dans ta chaise, tu vas lever tes mains dans les airs et tu vas imiter un chin-up. Chin-up, c'est comment tu te lèves, genre tu te pognes après une barre, puis tu te lèves. Ouais, c'est ça. OK. C'est comme un raise the roof, mais à l'envers, genre. Ce qui va ouvrir ta poitrine et va t'empêcher de pencher par en avant. OK. Ouais. Mon Dieu, pardon. Attention, ça te donne une petite émotion. C'est sûr que les gars... Les gars, on fait de la radio visuelle, eux autres, je pense. Ils ont tout ri de nous présent. Ils sont pas appropriés. Est-ce qu'ils sortent de ses genoux correctement, le gars? Je me demande si c'est la bonne position pour faire. On devrait y demander. Et il tape sur des affaires, je pense, puis il a l'air d'être un petit peu trop penché par en avant avec ses épaules. Et je suis pas sûr que la CNESST aimerait ça, un gars dans l'échelle de la même. La CNESST, c'est rendu. Pour vrai? Ouais, norme du travail. Mais bon. Ils ont fusionné. Bref, c'est des solutions temporaires, mais évidemment, si vous pensez à chacune de ces solutions-là et que vous les retenez, qu'à chaque fois que vous êtes debout, vous dites « crime » sur trois fois. C'est vrai. Vous êtes assis, chin up, focus up, heads up. Et voilà. Voilà, donc ça va vous aider à avoir de meilleures habitudes. C'est M. Bornstein qui vous le dit. Ah, c'est si génial. Évidemment, il vous dit aussi, si vous êtes, il faut changer de position, si vous êtes assis depuis trop longtemps, levez-vous et marchez. Oui. Lève-toi et marche. Voilà. Tiens, le défi du mois. Il y a souvent un défi du mois en argent sur lifehacker.com et ça donne que tout le monde sur Internet commence à partager ça fait des hashtags. Oui. Et celui du mois courant, du mois de septembre, c'est le mois où on doit surveiller toutes nos dépenses pour comprendre nos dépenses. Ah, donc, si vous avez jamais fait ça, le 30-Day Tracking Challenge pour connaître où va chaque cent que vous dépensez pendant un mois. C'est un site de finances personnelles Saving Advice qui vous explique que suivre les traces de votre argent pendant 30 jours est une des meilleures façons de savoir où votre budget coule. Tu sais, quand t'as une fuite dans ton budget, c'est-tu l'alcool, c'est-tu le dépanneur, c'est-tu la cafétéria, c'est probablement une combinaison de ces trois réponses-là, dans notre cas. Donc, pour savoir où votre budget coule, la plupart des gens vont découvrir au moins une surprise ou deux quand ils vont commencer à vraiment porter attention à leur compte pendant 30 jours. Donc, c'est un défi à se faire. À la fin du mois, tu vas faire ton budget et tu vas choisir les endroits où tu penses que tu dépenses trop d'argent et tu vas ensuite faire des coupures budgétaires. On connaît ça? Hein? Donc, une bonne idée pour économiser de l'argent et aussi avoir un meilleur contrôle de vos finances. Plus vous faites ça, plus vous continuez le défi longtemps, pas nécessairement juste 30 jours, plus vous allez être conscient de vos dépenses. Moi, j'ai déjà parlé mille fois de l'application Mint qui va catégoriser vos dépenses de carte de débit et crédit canadienne, tous vos comptes, et va vous catégoriser ça tout seul sans avoir à le faire. Et eux vont t'envoyer un reminder, un rappel à chaque mois pour te dire, disons, la catégorie nourriture est 4 fois trop élevée, la catégorie divertissement est 2 fois trop élevée. Vous avez même pas besoin de travailler. Donc moi, je fais le défi de 30 jours en permanence dans ma vie, puis ça a changé ma façon de faire les choses. C'est pas génial, ça? C'est merveilleux. Est-ce que je peux vanter plus l'application Mint à Assemblage Requis? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils nous donnent point d'argent. Non, mais on en attend de leur part. Et voilà. Hein? Donc, surveillez tout pendant toute la vie, ça pourrait être la meilleure façon de le faire. Mais sinon, on a plusieurs petits logiciels et sites web sur assemblagerequis.com dans l'article de Lifehack. Voilà. Ensuite, on retourne comme tantôt sur le Mac. En tenant la touche Option, lorsque vous changez l'application, ça va vous faire sortir l'application qui est minimisée à l'intérieur. Donc, si vous utilisez souvent le commande Tab sur le Mac pour changer l'application, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous sélectionnez une application qui est minimisée, l'application va seulement montrer sa barre de menu et non la fenêtre. Donc, si on appuie sur la touche Option, ça va ressortir la fenêtre. Donc, une application minimisée et que tu veux switcher vers ça en utilisant le commande Tab, tu vas taper commande Tab et tu vas utiliser les flèches pour sélectionner l'application que tu veux et tu vas tenir Option pour la charger. Donc, c'est un peu un raccourci mal fait, mais ça fonctionne pour ceux qui se demandaient pourquoi les applications cachées ne se montraient pas dans le commande Tab, qui est l'équivalent du Alt Tab sur Windows. Ensuite, on utilise la fonction... Pardon. Ouais, la voix commence à dégrader. Ouais. Utiliser la technique du half-bluff, le demi-bluff, pour mieux bluffer dans le jeu du poker et dans la vraie vie. Hey, c'est drôle parce que ça a vraiment un lien direct avec ma chronique de tantôt. Ah, ben Colin, va falloir que je me dépêche. Ah, ben mon Dieu, hein? Donc, les gens qui jouent au poker dans des films, entre autres, sont maîtres de l'art du bluff. On va tromper son opposant, son ennemi, à croire ce qu'ils veulent. Donc, vous n'êtes pas capable de le faire vous-même avec un bluff complet parce que vous n'êtes pas rendu là, vous n'avez pas encore assez d'expérience. Mais le demi-bluff est plus facile et peut-être même plus efficace. C'est le site de conseil Dumb Little Man qui nous explique que le demi-bluff est lorsque vous menez les gens vers le mauvais chemin, qu'on appelle misleading, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais... Les mener en bateau. Hi, hi, capitaine. Et non pas mentir complètement. Donc, en mélangeant un petit peu de vérité avec ton bluff, ça va te donner plus de crédibilité. Et plus important encore, tu veux pas que ton succès soit... obligatoirement lié à ton bluff. Donc, si t'as un deuxième plan, un genre de plan B, t'as moins de chances d'être nerveux et de montrer ton bluff. Ah, d'accord. Donc, disons que tous tes amis parlent... Là, c'est l'article qui nous... je cite l'exemple de l'article. Disons que tous vos amis parle de, des livres de Game of Thrones. Oui. Trône de fer. Bon. Et que vous avez seulement vu la version télévisée. Oui. Hein? Donc, on va opérer sur un genre de demi-bluff. En ce qu'on va faire, c'est genre un peu comme tu ferais au poker. Mm-hmm. En plein milieu de la situation, là, ça pourrait être un peu... Oui, il faut que tu leur donnes l'impression de tout savoir, alors qu'en fait, t'as seulement la moitié des connaissances. Ça donne absolument aucun exemple, finalement, dans non, la bulle. C'est ça. Et si je pensais qu'elle allait nous dire, bon, tu vas parler d'un certain cas dans Game of Thrones, mais c'est pas grave. Mais c'est peut-être de la façon que tu vas répondre à leur dire. Oui. Tu sais, comme exemple, au lieu de dire, ah, oh, ouais, là, ça va faire, ah, oh, mais oui, c'est vrai. C'est ça, oui, oui, je me souviens, le ouais, Tyrion, exactement. À un moment donné, ouais, tout ça. Puis là, il va repartir. Ouais, ouais. Le tu vois le flou, le plus flou possible. Avec ton peu de connaissances. Il y en a qui font ça dans des relations, ça fonctionne super bien. Absolument, absolument, absolument. Non, je la connais pas. Je la connais pas, ça fait. Mais non, mais je, non. Je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu passer. Exactement. J'ai vu Frenchie. Non, je l'ai vu près de fois de temps en temps. Non, là, t'as menti. Non, c'est ça. Ah, c'est vrai, t'as raison. Tu l'as Frenchie, la fille. Ben là, pas moi. Non. Mais on parle du gars. Bref, mais ça bon. Peut être pratique comme habileté, comme capacité pour essayer de cacher quelque chose. Par exemple, peut-être essayer de cacher que t'as acheté un cadeau pour ton ou ta partenaire. Disons que t'as été, tu pourrais essayer de dire que t'as été à la maison toute la journée, mais ton partenaire pourrait comprendre que c'est un mensonge. Mm-hmm. Si tu dis que t'as quitté la maison pour une toute autre raison, tu dis partiellement la vérité parce que t'as en effet quitté la maison. C'est vrai. Mais tu dis, bon, j'ai quitté la maison pour aller manger au restaurant, j'ai quitté la maison pour aller au centre d'achat, pour magasiner, je sais-tu moi, un nouveau téléphone. Mm-hmm. Peu importe, il y a une partie de vérité parce que t'es sorti de chez vous. C'est alors vrai. Que mentir, ce serait de dire que t'es resté à la maison. Bref, au pire, tu peux confesser le fait que tu magasinais, mais tu ne révèles pas ce que t'as acheté. Le confort voilà. De savoir que ton secret n'est pas complètement basé sur ce seul mensonge-là pourrait te rendre plus confiant. Voilà, c'est tout pour plus les instructions. Plus confiant, mais semi-menteur. Ouais, mais c'est semi aussi complètement véritable. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà. Voilà, on est rendu à la fin de notre chronique des instructions d'assemblage. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Retour de la pause. Enfin, Tania va nous divertir dans Tania is gonna entertain you. Restez là. Pour l'écouter, c'est fou.ca. 89.1. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? C'est la dernière demi-heure de l'émission matinale en pièces détachées Assemblage requis en ce mardi 13 septembre 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. On vous rappelle qu'on est toujours en plein milieu de la construction d'un nouveau toit. Oui. Du pavillon des Rébauchemins. Donc le bruit derrière nous, c'est pas seulement les intros de thèmes de chroniques. Non, exactement. C'est aussi des si. J'avoue que des si et des raies, tu sais. Oui, oui. Et nous, on est comme les raies dans les rayons de soleil. Pour déjeuner. Eh, hein? Ça voulait rien dire du tout. Eh, bon. Quand même. Ouais, bref, j'ai besoin, moi, de me faire illuminer un petit peu, comme les, les gens qui te passent des revues dans la rue, là, genre, oui. Réveillez-vous à oui, la religion ça. Quelconque. Exactement, ouais, il y en a beaucoup de ça. Et moi, je suis un bouddhiste. Je suis un Bouddha, comme Bouddha. Comme Bouddha? Mais je suis du boudin, beau bouddhiste. Ah, okay. Voici Tania is gonna entertain you. Bouddha. C'était une petite Tania. Voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école. Et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Qu'est-ce que tu dessines, un condom? Non, c'est... Ah, c'est le mot sport. Ouais, c'est tantôt caché. Est-ce que ça ressemblait à quelqu'un qui était un petit peu mou du pantalon? Oh my god. Donc, c'est la chronique Tania is gonna entertain you, où on parle en fait d'à peu près n'importe quoi qui te sort de la tête. Oui, exactement, qui me sort de la tête ou qui me sort tout simplement de quelque chose que j'ai vu, que un j'ai fait lu. Vécu, que... oui. Exactement. Parce qu'il faut se le dire, là, quand on fait des chroniques à tous les jours, parfois l'inspiration manque. C'est pas pour rien que je fais toutes les mêmes chroniques. C'est ça. Là, à un moment donné, on procrastine, puis on arrive sur quelque chose qui nous amène à notre sujet de chronique. Quelque chose. T'as vu, hein, comment je me sonne. Puis, c'est un peu ce qui est arrivé hier, je vais vous avouer. Hier, j'avais vraiment aucune idée ce dont j'allais discuter aujourd'hui. Puis là, j'avais vraiment de la difficulté à me concentrer, à essayer de trouver quelque chose. Parce qu'on se dit qu'après un an, on a quand même fait pas mal le tour du pot. Tour. Ouais. Alors, on se souvient, hier, je vous ai parlé de mémoire. Aujourd'hui, ça va être quand même assez semblable. Ah. Mais rassurez-vous, je vais pas vous parler de mémoire. Quand même, c'est pas exactement la même chose. Mais hier, je me suis dit, bon, OK, je trouve pas de chronique, je trouve pas de sujet. Fait que je vais tout simplement aller sur un des sites les plus banals au monde. Et je vais me changer les idées quelques secondes. MSN.ca. Non, c'est-à-dire Thought Catalog. Ah oui, c'est cool. Je sais pas si tu connais le site Internet, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un site qui amène n'importe qui à pouvoir écrire un article quelconque sur un sujet quelconque. Bien souvent, ça va être des lettres ouvertes ou quoi que ce soit. Et ça peut être écrit par n'importe qui. Eux vont par la suite approuver et ça va être posté sur le site Internet. Donc, je suis tombée sur l'article parce que souvent ça, c'est des choses qui vont être énumérées. Ça revient souvent comme sur le site. Ouais, c'est exactement. Ça, c'est un site anglophone. Donc, en fait, le titre de l'article est 14 signes que tu es une personne émotionnellement intelligente. Oh, wow! Là, je me suis dit, attends, une minute, là, émotionnellement intelligente, comment tu peux savoir que t'étais intelligente émotionnellement? Et tu voulais te faire confirmer que tu l'étais. Mais en fait, j'ai même pas lu l'article au complet. J'ai lu les trois premiers points. Là, j'ai fait, attends une minute, là. L'intelligence émotionnelle... Marche pas, ça? C'est quelque chose qui existe? Ouais. Là, j'ai dit, je pense que j'ai trouvé mon sujet de chronique. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle parce que oui, c'est quelque chose qui existe. Et moi, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était l'intelligence encore émotionnelle. Là, j'ai aucune idée. J'étais au courant de l'intelligence artificielle, ouais. L'intelligence tout court. Mais ça laisse supposer que tu peux donc apprendre à être plus intelligent émotionnellement parce que de l'intelligence, c'est quelque chose comme de l'information. Et voilà. Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Parfois, on va appeler ça du IE. Et parfois, on va appeler ça aussi l'intelligence du cœur. C'est tout simplement la capacité à utiliser ses émotions et ses sentiments. Mmh. Donc, tout à l'heure, quand tu me parlais de bluff, je trouvais ça très, très drôle parce que je vais en revenir un petit peu tout à l'heure. Ça revient quasiment à la même chose. Vous pouvez vous amener à bluffer de façon assez incroyable. Être un peu manipulateur. Ben c'est ça. Donc, je vais vous donner un petit peu une espèce d'historique de ce que c'est. Puis par la suite, on va en discuter plus profondément. Donc, les premières études sur l'intelligence émotionnelle sont vraiment apparues au début des années 1990 avec des travaux de Salovey et Meyer. Ça définit l'intelligence émotionnelle comme une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et ses émotions, mais aussi ceux des autres. Ah. Donc, à faire la distinction entre ceux-là et à utiliser les informations pour orienter ses pensées et ses gestes. Donc, finalement, c'est de la manipulation totale. Ouais. Y a des auteurs, par la suite, qui ont révisé leur définition de l'intelligence émotionnelle, puis... selon cette nouvelle définition qui est aussi la plus généralement acceptée de nos jours, l'intelligence émotionnelle désigne aussi l'habileté à percevoir et à exprimer ses propres émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi, mais aussi chez les autres. Donc, cette nouvelle définition-là, elle, est sortie vers les années 1997 et... Oui, les années 97. Ah, les années 97, hein. C'était le bon temps. Les pattes d'éléphant. Donc, c'est beaucoup trop facile à dire. Très bon. Donc, il y a eu une popularisation du terme qui a été fait peu après le début des travaux académiques. Un livre qui rendait le sujet vraiment très, très populaire a été intitulé « Emotional Intelligence ». Donc, ça décrivait exactement ce que c'était. Et ça a été écrit par Daniel Goleman en 1995, approximativement. Les années 95. Les années 95, 2 ans avant les pattes d'éléphant. Donc, le livre couvrait vraiment l'aménagement de façon parfois un petit peu scientifique, mais la plupart du temps, ça se basait sur la littérature et sur l'époque de l'intelligence, et surtout de l'intelligence émotionnelle, bien évidemment. Donc, ainsi qu'un nombre considérable de recherches supplémentaires sur les émotions et leurs relations avec le cerveau et les comportements sociaux. Donc, j'imagine que si on étudie en psychologie et que vous étudiez en psychologie puis que vous êtes en train de m'écouter, c'est genre votre cours de base numéro 1. Ouais, là, on vous apprend rien. Je suis désolée, ouais. Mais tu sais, il y a des gens qui connaissent pas ça, c'est dont ça. Moi. Une et grande majorité. J'ai vraiment appris quelque chose de très, très impressionnant parce que les gens qui vont être attirés vers l'intelligence émotionnelle, bien souvent, vont être des gens qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'être humain. Ils vont essayer de comprendre justement pourquoi eux réagissent de certaines façons, pourquoi certaines autres personnes réagissent d'une toute autre façon. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré vers le sujet de l'intelligence émotionnelle, c'est que n'importe qui peut en avoir un bénéfice. Donc, de ce côté-là, je trouvais ça quand même assez sensiblement assez important à discuter. Donc, avant toute chose, si l'intelligence émotionnelle existe, est-ce que ça veut dire que nos émotions seraient à ce point-là intelligentes? Ouais. Et si elles le sont à un certain point, en quoi est-ce que nous, ça nous aiderait à nous booster ou encore à améliorer notre vie? Donc, il faut savoir qu'à la base, le mot émotionnel, le mot émotion, c'est d'origine latine, bien évidemment, ouais. Et ça se divise en deux mots. Émotion. Donc, ben, en deux parties. Le E, qui veut tout simplement dire aller vers l'extérieur, mm-hmm. Et movere, qui est le mouvement. Ah ben. Donc, une émotion, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur, mais qu'automatiquement, tu dois lancer vers l'extérieur de okay. toi. Donc, tu dois le extérioriser. C'est ça, oui. Tu dois le manifester. On ramène souvent en arrière chez nos ancêtres, les Homo sapiens, le principe que l'émotion était à la base de nous amener à nous protéger, de nous amener à poser des actions claires pour être sûr qu'on allait survivre à une situation. Donc, la fonction de base de l'émotion est quand même de nous mettre en mouvement vers l'extérieur de nous-mêmes pour nous faire agir. Donc, ça donne un regard quand même assez neutre sur les émotions et ça signifie aussi que toutes les émotions sont à la base positives parce qu'elles vont nous permettre d'aller de l'avant et d'être dans une espèce de mouvement vers quelque chose de nouveau. OK, donc même si c'est triste, ça reste positif pour une raison. Ben exactement, c'est là qu'on se pose la question. OK, ouais, mais on a des émotions qui sont quand même assez négatives. Le là, c'est, comme mettons le deuil, ouais. Ben la tristesse ou la colère, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Donc, c'est vrai qu'il y a des émotions qui peuvent être quand même assez désagréables, encombrantes, et parfois, ça nous empêche de vivre à un certain point, ça nous empêche de faire certaines choses. Mais si on comprend la raison exacte d'être d'une émotion, eh bien, elle peut être négative, mais sa fonction va quand même être de nous faire agir, de nous amener vers quelque chose d'autre. Donc, à la base, cette émotion négative-là devrait être positive. Ben oui. Donc, on s'entend que, déjà, c'est bizarre, ouais. Un peu. Donc, nos émotions sont vraiment connectées à notre inconscient. Ça veut dire que nos émotions sont liées à des schémas un petit peu plus complexes, plus larges que ce qu'on a l'habitude de traiter. Ça veut aussi dire que nous, on peut vivre consciemment une situation et pour le corps, quand on va avoir une émotion qu'on comprend pas, ça veut dire que nos émotions sont vraiment liées à notre inconscient. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait tout le temps sûr de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent. Mais à la base, il faut savoir, puis là, j'essaie de trouver le point. Et voilà, j'ai trouvé. Yeah. Oui, exact. Donc, il faut savoir qu'à la base, il y a 4 principales émotions. On parle de la joie, on parle de la tristesse, on parle de la peur et on parle de la colère. Mais elles expriment avec plus ou moins d'intensité, ce qui fait que la palette est vraiment plus large, là, on s'entend. On va aussi ajouter à ça la surprise. Et si je me souviens bien, c'est le mal. Ouais, le la mal. Douleur. Alors. Oui, exactement. Donc, de ce côté-là, ça amènerait à 6 émotions de base. Le premier outil que vous pouvez utiliser pour mieux connaître vos émotions, on va y revenir tantôt, mais on peut arriver à développer cette fameuse intelligence émotionnelle-là. Ce qui est très, très intéressant de voir aussi, c'est le concept par rapport à ça. Donc, outre le fait d'avoir une bonne cohérence interne là, ou un pouvoir prédictif, mettons, sur son inconscient, c'est quand même que toute la théorie scientifique se doit d'utiliser une pertinence puis une précision avec le langage technique que les chercheurs qui ont découvert ça, les gars qui ont inventé cette fameuse intelligence émotionnelle-là de tout à l'heure, c'est-à-dire Meyer puis Salovey. Donc, à la fin, un problème majeur lorsque l'intelligence émotionnelle est étudiée, c'est que certaines théories vont se rapporter précisément aux émotions et à l'intelligence, alors que d'autres vont être beaucoup plus larges et ça va intégrer également de nombreux autres concepts, par exemple la motivation, le niveau de conscience ou encore la persistance. Et c'est là que tout ça peut venir changer le courant de notre vie. C'est que si on se rappelle qu'à la base, toute émotion est censée être positive, bien, on va nous-mêmes s'engager à faire en sorte que toutes nos émotions ou les émotions des autres vont à un certain point devenir positives. Pour t'apporter quelque chose de bon. Pour nous apporter quelque chose aux de bon. Autres. Ou aux autres, ou nous faire comprendre quelque chose, tout simplement. Tu sais que des fois, on va dire, je suis pas certaine de ce que... De comment je me sens, que ce soit dans un deuil ou peu importe. On dit qu'il y a plusieurs facettes à plusieurs, à plusieurs étapes de notre vie. Que tu passes trop à autre chose rapidement. Exactement. Que tu passes assez triste ou peu importe. C'est ça. Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles l'intelligence émotionnelle, des cas pour lesquels l'intelligence émotionnelle peut devenir important. Mmh. Ça peut devenir important à ce point-là parce que à ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous. Donc, pourquoi est-ce que c'est utile? Bien, c'est vraiment utile parce que c'est reconnu comme une compétence très, très, très utile, notamment pour régler les conflits sociaux à l'école ou dans une entreprise. On s'entend que si on travaille en ressources humaines, bien, c'est probablement quelque chose qu'on va avoir à étudier, si on étudie là-dedans. Et cette forme d'intelligence-là expliquerait même pourquoi, à QI égal entre deux individus, certains individus s'épanouissent et réussissent vraiment beaucoup mieux que d'autres. C'est simplement qu'on gère... C'est pas juste les connaissances... Exactement, il y a pas juste les connaissances intellectuelles, il y a les connaissances émotionnelles aussi. C'est street smarts versus book smarts! Et voilà, donc, il y a certaines études qui estiment que même l'intelligence émotionnelle entre pour quand même 70% du succès de quelqu'un. C'est beaucoup, là, 70% d'un succès. Donc, selon le modèle de Goldman, l'intelligence émotionnelle recouvre un ensemble de compétences émotionnelles comme la capacité à utiliser ses émotions pour guider ses décisions, la maîtrise de ses émotions et la faculté à s'adapter à des situations, l'empathie, parce que... Oui. Tu sais, tout à l'heure, on disait que ça allait nous amener à comprendre les réactions de certaines personnes, mais l'empathie fait partie de ça. C'est ça que les psychopathes ont pas. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire la capacité à détecter et à comprendre les émotions que certaines personnes ont autour de nous et pourquoi est-ce qu'ils réagissent d'une certaine façon. Et aussi la capacité à influencer les autres à gérer un conflit. Ah! Tu sais, tout à l'heure, quand je disais que la manipulation était là. C'est là-dedans. Donc, toujours selon Goldman, ces compétences-là sont quand même innées, mais sont pas nécessairement acquises à leur 100%. C'est pas tout le monde qui a été appris à dire « Oui, ben pourquoi tu te sens comme ça? Mm-hmm. » Tu sais, c'est pas tout le monde qui a été appris à se poser les questions par rapport à ce qu'il ressentait. À s'auto-analyser. Exactement, ou à analyser les autres. Ouais. Mais bien souvent, l'intelligence émotionnelle, présentement, commence à faire son bout de chemin dans les maternelles, dans les écoles primaires. Ah oui, pour être au courant de ses propres sentiments. Exactement, émotions. Avec des travailleuses sociales, avec des psychologues éducatives. C'est quelque chose qui voit de plus en plus le jour dans les écoles primaires parce qu'à ce moment-là, on amènerait les enfants à devenir émotionnellement beaucoup plus productifs. Tu vois... Ça a absolument rien à voir, mais il me semble que je fais comme un lien avec ça. T'sais, on va des fois entendre, comment ça se fait que de ce temps-ci tous les enfants sont trans, tous les enfants sont gays, tous les enfants sont si. En tant que tel, c'est peut-être parce qu'on leur fait sortir ce qu'ils étaient de toute façon, mais qu'avant on devait renfermer dans leur petit tiroir de t'es pareil comme tout le monde, suis la file puis écoute la voix. Oui, exact. Donc à ce moment-là, si on commence à comprendre ce qui se passe avec nous, à un certain point, ça va être vraiment facile de détecter ce qui se passe avec les autres. Et voilà. Et hier, je me posais la question, j'ai fait des recherches, malheureusement, j'ai pas nécessairement trouvé, mais c'est sûr et certain que dans les édifices ou dans les instituts de sécurité, comme par exemple à la police, si on parle du SCRS ici au Canada, c'est sûr et certain qu'il y a des experts dans l'art de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est de la manipulation. Donc, je vais en revenir tout à l'heure parce qu'il y a des dangers à ça. Mais je vous disais aussi qu'on peut développer son intelligence émotionnelle. Si, par exemple, là, ça commence à se développer dans les écoles primaires, puis tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose que nous, on a appris ou que certaines personnes ont apprises. Donc, il y a quand même des travaux qu'on peut faire pour améliorer notre intelligence émotionnelle. C'est comme n'importe quoi. Donc, la première des étapes, il y a 4 piliers pour quand même développer son intelligence émotionnelle. La première des étapes serait de nommer ses émotions, d'être capable de dire qu'est-ce qu'on ressent. Donc, il faut d'abord connaître la palette de nos émotions et de savoir les nommer quand elles se manifestent en soi, mais de vraiment bien les dire. de vraiment bien les exprimer, de vraiment bien pouvoir les nommer, de bien les connaître, en fait. Donc, par la suite, le point numéro 2, c'est d'observer son propre comportement pour développer son intelligence émotionnelle. Donc, si on connaît mieux nos émotions, il s'agit aussi de s'observer, de prendre du temps pour s'écouter, de comprendre comment on réagit dans telle ou telle situation et en présence de telle ou telle personne. Parce que parfois, c'est tout simplement la présence de quelqu'un qui va nous faire ressentir une colère X, même si on la connaît pas. Ouais. Donc, chaque émotion va se manifester par des comportements et des réactions qui sont vraiment très, très singulières à chacune des situations. Donc, si vous commencez à discerner votre propre mode de fonctionnement, vous allez comprendre ce qui vous met en mouvement puis ce qui apporte de la tristesse ou encore de la colère ou de la joie. Donc, observez ses propres comportements. La troisième étape, c'est de faire preuve d'empathie envers les autres. Si vous commencez à faire preuve d'empathie, mais que vous êtes quand même capable de réfuter quelque chose ou dire à quelqu'un, ça vous amène une partie d'intelligence émotionnelle qui est peut-être même plus élevée que la personne qui est devant vous, qui est peut-être pas à ce niveau-là aussi. Donc, vous avez peut-être cette forme de, pas nécessairement mentor-là, mais au niveau émotionnel, vous allez pouvoir soit arriver à aider la personne ou à la manipuler. C'est ça. C'est pas tout le monde qui a ça, l'empathie, puis c'est pas tout le monde qui a ça, tu, mettons, détecter le sarcasme. Exactement. Les cerveaux, tout le monde, sont en voie différente. Hein? C'est ouais. ça. Donc, la quatrième étape, c'est vraiment d'exprimer ses émotions. Tout à l'heure, on disait les reconnaître, mais de les exprimer, de les mettre en mots. Pourtant, exprimer ses émotions, c'est quand même assez important pour développer son intelligence, là, parce que le fait de verbaliser va nous aider à mieux les contrôler, à plus nécessairement subir nos émotions. Donc, de ce côté-là, ça va vous inciter aussi à exprimer également ce que l'autre personne va ressentir, ce qui est de nature à une meilleure compréhension mutuelle, à faire des compromis, à l'établissement d'une relation saine. C'est quelque chose qui va vous amener par rapport à ça. Et c'est vraiment très, très facile à faire dans la vie de tous les jours. Il faut juste tout simplement y penser. Mais je vous parlais aussi de danger, puis là, je vois qu'il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Prends ton temps! Donc, il y a quand même un danger à tout ça, parce que tout à l'heure, tu parlais de bluff. Ouais. Moi, j'ai parlé de manipulation. On a parlé d'empathie quand les sociopathes en ont pas. Comme toute compétence, l'intelligence émotionnelle, ça peut être utilisé avec les meilleures intentions du monde ou les plus mauvaises aussi. Donc, une étude qui a été menée par l'Université de Cambridge et l'Université du Texas a révélé que l'intelligence émotionnelle peut devenir une arme vraiment redoutable au service de comportements vraiment très mal intentionnés. Donc, par exemple, maîtriser ses émotions va permettre de masquer des véritables intentions. Vous allez, oui, pouvoir... Tout à l'heure, on parlait que les homo sapiens se protégeaient à la base en faisant ça. Donc, oui, vous allez vous protéger, mais vous allez pouvoir aussi masquer vos véritables intentions. Et vous allez savoir identifier les émotions des autres. Donc, vous allez pouvoir utiliser les émotions des autres envers votre propre besoin. De la façon que vous désirez les utiliser. Mais... Exactement. Mmh. Donc, par exemple, si vous prononcez un discours qui est quand même assez inspirant, puis qui est rempli d'émotions, puis qui permet de captiver l'auditoire parce que vous savez que l'auditoire va être captivé par les mots que vous allez dire, les émotions que vous allez y mettre, bien, ça va s'attacher moins au message, mais ça va se rappeler beaucoup moins de son contenu. Ils vont se rappeler des émotions que vous les avez faites vivre. Toi, guéris-toi, sors de ta chaise roulante et marche! Donc, cette technique était et est encore aujourd'hui largement employée par les dictateurs. Ah, dictateurs, motivateurs... Et voilà! Il y en a qui sont pas corrects. Tu sais, c'est... Ben... Récemment, il y a eu les 15 ans du 11 septembre, oui, mettons. Oui, oui. Mais ça, l'intelligence émotionnelle, ça aurait quelque chose que eux étaient à leur forte point d'intelligence émotionnelle. Ouais, puis de l'autre côté, les républicains qui accusent Hillary Clinton d'être mourante, ce sont peut-être pas intelligents émotionnellement. Non, mais ils sont manipulateurs. Donc, à un certain point... Oh, c'est bien ça! À un certain point, ils sont peut-être de très, très, très intelligentes personnes de façon émotionnelle. C'est vrai que Trump est intelligent. Pas dans le sens qu'on aimerait qu'il soit. Ouais, quand même. Puis on s'entend que c'est considéré comme étant un axe assez important d'épanouissement personnel, de développement de ses relations avec les autres. Donc, si on voit ça pour vraiment être capable de se comprendre nous-mêmes ou de comprendre l'être humain qui est devant nous, bien, vous avez la meilleure des façons de vouloir développer votre intelligence émotionnelle. Si vous êtes déjà à la base simplement intrigué par le fait de pouvoir manipuler les gens et de pouvoir en mettre certains dans votre poche, bon... C'est faire, hein? Désespoir. Développer la pas avec trop. Nous autres, c'est ça. C'est ça. On veut pas être associé à ça. Donc, je trouvais ça quand même très, très intéressant de voir à quel point l'intelligence émotionnelle peut devenir quelque chose de très important, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans des discours. Quand on y pense, toute personne en politique doit avoir quelque chose, quelqu'un à ses côtés qui s'y connaît de façon exceptionnelle en intelligence émotionnelle. Absolument. Ça doit être même celui qui écrit les discours. Ah, peut-être. Voilà. T'as rien coupé, là? J'ai okay. absolument rien coupé. Prends tout le temps qu'il te faut. C'est fini. Donc, Tenia's Gonna Entertainia, on parlait de choses vraiment intéressantes comme à tous les jours. Et il y a toujours un nouveau sujet. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Une surprise, partez! Tout à fait. Dans vos oreilles, tout le monde est invité. Mm-hmm. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Et nous, justement, ça nous amène à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Oh, Colin, hein? Je sais, c'est plate. Mais on va être de retour demain entre 6h30 et 9h30. Demain, on sera mercredi et on va avoir la présence, le retour de Gabriel Béhout. C'est notre premier chroniqueur qu'on réaccueille parce que Colin, c'est le même. On y va graduellement par rapport à l'émission de cette semaine. On est toujours dans une zone un petit peu floue avant le début officiel de la saison. Donc demain à 8h30 pour Gabriel Béhoud et la chronique dans les coulisses de la Luitre. Sinon, restez sur nos ondes, on est mardi. Plus tard, à 10h, s'en vient la reprise du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À midi, on a Rock de Neurones. À 14h, on va être de retour avec les palmes à C'est fou. Ensuite, le reste de la journée est pour l'instant à déterminer. On a réanimation le soir à 19h. Oui. L'horaire sur le site est encore en mode estival parce que c'est pas tout qui est revenu au mode automnal. Je vais faire ça probablement aujourd'hui et remettre au moins quelques affaires d'automne pour vous démêler là-dedans. C'est complexe. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Un petit 20 secondes pour dire que la mise à jour sur la construction, c'est que je pense qu'il y a un break à 9h30. Oui, je pense que oui, hein, parce qu'il n'y a plus personne sur le pick-up, il n'y a plus personne sur le toit, il y a un gars qui est en train de descendre de l'échelle. Fait que je pense que c'est la pause café. Oui, ils sont à la cafétéria ou à la chasse-galerie et ils peinturent le toit rouge. J'ai bien hâte de voir ce que ça veut dire. On vous tient au courant demain. Bonne journée. Bonne journée, bon café.